Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! C'est pas moi qui va être la vedette de cette dernière demi-heure, Steph. Non. C'est pas mal plus toi. Hein? C'est sa plus simple expression. Oh, sa plus simple expression. Ça, c'est la chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer un peu. J'essaie de comprendre aussi en même temps d'où ça vient, ces expressions-là qu'on dit sans vraiment se rendre compte que c'est pas la signification première des mots. On parle à travers notre chapeau. C'est une expression que tu vas dire dans ta liste, je sais pas. C'est une expression comme une autre. Non, mais peut-être un jour, hein, ça pourrait être quelque chose à aborder. J'ai pas de thématique aujourd'hui. Je suis dans des restants pêle-mêle d'expressions. Mais je pense que de toute façon, on va s'en sortir quand même. J'espère bien, petit mec, que je vais tout le temps ramener ça à des sujets sexuels. Ben voilà. De toute façon. Donc, on commence avec une première expression et on commence avec un bouc émissaire. Un bouquet, bien sûr. Un bouquet. Hein? Misère. Donc, ça, c'est un bouquet de fleurs très, très cheap de plastique. Un bouquet misère. OK, ouais, ça pourrait être ça. Donc, un bouquet de pauvres. Un bouquet de pauvres, voilà. Voilà. En fait, c'est une personne sur laquelle on fait retomber tous les torts, toutes les responsabilités. Donc, cette appellation est d'origine religieuse. Donc, l'expiation est une cérémonie religieuse destinée à effacer la souillure, les péchés que l'homme a pu commettre. Et cet homme-là n'a rien trouvé de mieux sur une idée prétendument soufflée par Dieu à Moïse que de faire porter cette souillure par un bouc que le prêtre, par imposition des mains et autres imprécations, chargeait symboliquement de tous les péchés avant de l'envoyer dans le désert à la rencontre d'Azazel, qui est, soit dit en passant, mon personnage préféré dans Binding of Isaac. C'est pas elle qui chante Let It Go, là, Azazel. Azazel. Non, ça c'est Dina Menzel, je pense. Non. J'en ai aucune idée. Maudit. Elle était bonne, je trouvais celle-là. Elle va jouer au Super Bowl, tout est connu. Ah, ok. En tout cas, bref. Donc, et l'homme qui a, ainsi été dépêché, genre enlevé ses péchés, pouvait alors se dépêcher de replonger à nouveau dans le péché. Donc, l'appellation de ce bouc vient du latin ecclésiastique caper emissarius, ou le bouc envoyé, ou le bouc lâché. Donc, pauvre petit bouc. Mais c'est resté aujourd'hui. Pauvre petit bouc chou. Ouais. Bok choy. C'est bon ça. Ouais. Ensuite, le plancher des vaches. Le plan, bien sûr, chez les vaches. Donc ça, c'est des vaches qui prévoient devenir maître du monde. C'est le plan chez les vaches. C'est sûr. OK. C'est comme quand Assemblage requis commence. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis, eux autres, dans leur version vache. C'est le plan chez les vaches à Assemblage requis. Ah, d'accord. Ok, je comprends. D'accord. En fait, le plancher des vaches, c'est tout simplement la terre ferme. Donc, cette expression date du 16e siècle où il se disait d'abord le plancher aux vaches. Ah. Comme le diable est aux vaches. Oui. Le plancher aussi. Le plancher aux vaches. Chacun ses déviances sexuelles. Si exactement. Le diable est aux vaches. Donc, sur les anciens bateaux en bois, les marins marchaient sur un plancher sur lequel les rencontres possibles avec des vaches, animaux des prés, étaient d'une rareté extrême. Je sais pas si ça t'étonne. Donc, c'est par simple opposition avec leur plancher à eux habituellement situé sur l'eau qu'ils ont pris l'habitude de désigner la terre ferme comme étant ce plancher où les vaches vont être nettement plus faciles à croiser, où il fait bon revenir après un long séjour en mer, tout simplement. Bien. Ça vient des marins. C'est bien. Ensuite, être de bon ou de mauvais poil. Ouais. De bon ou de mauvais poil. Ouais. Être de bon poil, être de mauvais poil. Mauvais poil, c'est des poils incarnés, on sait pas. T'sais. Ça, c'est un mauvais poil. C'est ça, ou quand tu vas chez Subway puis Gabriel Béhout dit « c'est le poil vinaigrette ». Ça, c'est un bon poil. Ça, c'est un très bon poil, un très bon gag aussi, je pense que ça vient de là. Voilà, en fait, être de bon ou de mauvais poil, c'est être de bonne ou de mauvaise humeur. Hein? Je pense que tout le monde connaît cette signification-là, sauf Mathieu, bien entendu. Non, mais non, moi, je connais rien. Donc, le poil, c'est ce qui est visible en premier sur quelqu'un qui en a, hein? Avant même... c'est pertinent, ça, oui. Avant même... On les voit pas chez ceux qui en non, ont pas, non, mais avant vrai. Même la peau. Ah, OK, parce excuse que c'est ça. Par-dessus. OK, oui, c'est plus foncé, souvent. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, non, le duvet, là. Oui. Bon, c'est ça. Et comme le caractère, ou plutôt l'humeur, lorsqu'elle n'est pas neutre, est quelque chose d'immédiatement palpable chez la personne face à soi, cela semble avoir suffi pour que, depuis longtemps, ce poids si repérable soit assimilé au caractère ou à l'humeur si visible également. D'ailleurs, au 16e siècle, changer de poil voulait dire changer d'attitude, de caractère. Fait que hein, on change donc de poil. Ouais, oui, s'il te plaît. Ça, c'est change d'attitude. Ouais. Donc, à la même époque, on a même utilisé l'étrange expression « avoir la queue marquée de mauvais poil » pour dire « être de mauvaise humeur ». Bizarrement, malgré l'existence des précédentes expressions, ce n'est que dans la première moitié du 19e siècle que notre expression semble apparaître, être de mauvais poil. Être de mauvais poil, c'était pas un des plus grands hits de Poil à Abdoul. Poil à Abdoul. Prochaine expression. Poil chaîne expression, oui, excuse-moi. Vas-y. De longue haleine. Ça, c'est une soirée interminable à côté de quelqu'un, j'imagine, qui n'a pas pris de gomme, là, mais ça, c'est peut-être un petit peu trop facile. Une longue... Okay. Ouais, c'est ça, longue haleine. Mais sinon, t'as aussi... Oui, c'est ça. C'est une personne qui est proportionnellement de grande taille. Okay. Peut avoir une longue haleine, c'est son haine. C'est une longue haleine, longue. Ouais, OK. C'est vraiment proportionnellement parlant. D'accord, je comprends. En fait... je vais préciser un peu. Okay. Donc, de longue haleine, c'est de longue durée, demandant beaucoup de temps avec une notion d'effort soutenu. Donc, ça ressemble à ça pour son haine. Ouais. Non, faut pas que ce soit juste long. Okay. Faut qu'il y ait une notion d'effort. D'accord. OK? Donc, si tu dis, j'ai regardé une télésérie, c'était un travail de longue haleine, non. Non, parce que t'as pas travaillé fort, c'était foiré sur ton steak caché. C'est ça, mais c'était long. Mais ça a été long. Donc, à moins que t'es une génératrice. Comme dans Ça existe tantôt, où tu pédales pour faire marcher la TV. Oui, donc là, ça pourrait être un travail de longue haleine. Oui, effectivement. Donc, il nous faut remonter bien loin dans le temps pour tout comprendre. Donc, c'est au 11e siècle. L'haleine est d'abord l'air qui sort des poumons, puis par extension, le souffle. Or, on sait que lorsqu'on produit un trop grand effort, on finit par manquer de souffle. Ou pour les athlètes, qu'il leur faut impérativement du souffle pour réussir leurs exploits. C'est donc là qu'on fait le lien entre l'effort et le souffle, hein, comme quand on dit courir à en perdre haleine. Si elle a été précédée au 13e siècle de à longue haleine, donc avec force et durée, c'est au milieu du 16e siècle chez Ronsard qu'apparaît notre expression avec le sens figuré de qui demande un effort soutenu. Et l'effort n'étant pas que physique, la locution indique aussi la capacité à soutenir un effort intellectuel prolongé. Donc ça peut être aussi dans la tête. D'ailleurs, les jésuites rédacteurs du dictionnaire de Trivoux au mot haleine se citent en exemple en écrivant l'entreprise d'un dictionnaire est un ouvrage de longue haleine. C'est très, très drôle. C'est méta au bout, ça, j'aime ça. Ah ouais, c'est vraiment j'aime cool. Mais un peu comme ta chronique, cette expression est quand même de longue haleine parce qu'il faut comprendre, il faut analyser les propos que tu nous donnes. T'sais. Ça demande un plus grand effort qu'une coque de gadget poche, mettons. Ben, c'est pas dans le même. Pas dans le même chronique. La pertinence n'est pas la même. Comme par exemple, une grosse pointe all dress. Mettons. Puis Master Steph. Deux niveaux. Il n'y a pas le même travail derrière la chronique. C'est ça, t'as bien raison. Ensuite. Ensuite, au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Je pense que. Non, pas de la lettre. Je pense que t'as une lettre de trop. Je pense que c'est au pied de la lettre. Donc, c'est quand tu allaites quelqu'un, c'est un fétichiste qui veut te pomper la poitrine avec ses pieds. Donc, c'est au pied de l'allaitement. Voilà. Ah, ça, c'est bizarre. Essaye pas de manger mon gag avant que je le finisse. Donc, au pied de la lettre. Non. Dans le sens, ça veut dire dans le sens strict des mots, en n'en faisant aucune interprétation ou scrupuleusement. D'accord? D'accord. Donc, cette expression existe depuis le 16e siècle. Pied, il y a le sens de mesure, donc à la mesure de la lettre. Elle viendrait d'une allusion à la Bible dans un passage de laquelle la lettre, qui est hein, la lettre là, entre guillemets ou en italique, là. Donc l'interprétation littérale des mots est clairement opposée à l'esprit, le véritable message ou l'intention dissimulée sous les mots. Donc certains ont lié l'origine au pied, donc au bas, d'une lettre ou d'un courrier, mais apparemment rien ne permet de valider cette hypothèse à 100%, mais c'est la seule hypothèse actuellement présente. Ensuite, manger sur le pouce. Manger sur le pouce. Là, je pense que c'est pouce de la fonte pour oublier la honte. C'est le P-O-U-S-S-E, je pense. Uh-huh. Donc, mange sur le pouce, c'est quand tu dois pousser un food truck. Okay, pour qu'il soit capable de produire sa nourriture pour te la donner. Donc, il t'en palme, tu le pousses un petit peu. On s'est mangé sur le pouce. D'accord. C'est ça, je pense que c'est ça. D'accord. C'est pas très bon. Mais c'est pas ça de toute façon. Ah non, en fait, c'est manger rapidement ou trop rapidement. Okay. Donc, cette expression est attestée dès le début du 19e siècle. Donc, c'est quand même récent comparativement à d'autres. D'abord, pensez aux ouvriers d'autrefois qui, ayant amené leur repas dans leur gamelle, okay, n'avaient que très peu de temps pour manger. Vos soldats en guerre qui, pendant leur déplacement ou dans l'attente d'être attaqués, devaient rapidement avaler leur repas. Maintenant, on peut imaginer une main tenant un bout de pain ou autre chose de comestible, mais je pense que dans le contexte actuel du pain, c'est très crédible. Et l'autre tenant un couteau avec lequel le mangeur coupait un morceau de sa nourriture, le poussait sur le pouce et le maintenait en l'amenant à sa bouche. Donc, c'est cette façon de manger qui a amené l'expression « manger sur le pouce ». Wow. J'imagine que si t'attendais quelque part là-dedans que je fasse un jeu de mots sur Gargamel, parce que t'as dit Gamel, j'imagine que ton oreille a fait comme il va faire un jeu de mots, c'est ça. Mais Gargamel, ça a déjà été fait, ce son-là. Comment? Gargamel, parce qu'il y avait des gamelles à la guerre, t'sais. J'imagine que oui. Gargamel. Je sais pas. Mais ça veut dire d'autres choses, Gargamel? Ouais. Ça a déjà un sens. Ah. Ça a pas besoin de quoi. Pas besoin de... Une pomme de discorde. Écrit une première, j'ai jamais entendu l'expression. Fait non! Dire, une pomme, la pomme, oui, ok. La pomme de Discord. Pomme de Discord. Ouais, c'est ça. C'est le nouvel instrument d'Apple. Okay. Apple vient sortir un nouvel. Tu sais, t'as le nouvel iPhone 6 Plus, tu sais. Ouais. T'as aussi la pomme à Discord. Évidemment, donc t'as la branche dans un ampli là, qui est fourni par Apple, puis tu joues avec des pommes. Ok. Au lieu de jouer avec des pics. C'est comme t'as des bâtons, c'est pom, pom, pom, pom, pom, sur les plis, il y a Discord. Ouais. Ben, non. Non? OK. Ah, zut. Encore ça, raté. Ça pourrait être cool. Ouais, ça serait vraiment le fun. Ça se vendrait, là, trois fois le prix de ce que ça devrait. C'est parfait. Ben, bref, une pomme de Discord, c'est un sujet de discussion et de division, ou une cause ou un objet de dispute. Donc là, c'est un peu plus ardu comme explication. Donc, on peut bien entendu penser à la pomme qu'Ève a croquée à Adam et à cause de laquelle les mauvais sentiments se sont durablement installés dans notre monde. Un court moment si parfait, hein? Faisant qu'Adam aurait gardé une rancune tenace envers sa femme et créant ainsi régulièrement des moments de discorde dans le couple. Mais, et pourtant, ça n'a pas de lien avec ça. Ah. Ce qui semblerait être la chose la plus logique. Donc, si l'expression date du 16e siècle, son origine remonte à nettement plus loin. Donc, il faut remonter dans le temps jusqu'à la mythologie grecque. En ce temps-là, vivait la déesse Eris, ou Discorde en grec. Elle avait une charmante petite famille, puisqu'elle était la mère de la misère, de la famine, des batailles, des mensonges, et pour couronner le tout du meurtre. La chanceuse. Hein, quand même. Ouais. Donc, quelque peu vindicative, cette divinité fut si furieuse de ne pas être invitée au mariage entre le héros Pelé et la déesse Tétis. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'elle venait également d'être expulsée du ciel par Zeus, que jeta au milieu des autres déesses présentes à la cérémonie une pomme d'or dérobée dans le jardin des Hespérides sur laquelle était gravée à la plus belle. Tu dois connaître le jardin des Hespérides, là, tu sais. C'est pour ça quand dans... j'ai un mal de tête, c'est ça, puis que j'ai un rhume. Non, mais tu sais, dans les 12 travaux d'Obélix Astérix, okay. Là, non. Il parle qu'à Hercule a arraché toutes les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ça fait trop longtemps. Ah, oh, come on! Des cadeaux, man. Bref, bien entendu, ce fut immédiatement la foire d'empoigne. Je sais pas c'est quoi cette expression. La foire d'empoigne. Toi, là, ma foire d'empoigne. Donc ça, on va l'expliquer une autre fois. C'est la soeur de Carmen Campagne, je pense. Exactement. La foire d'empoigne. Donc, chaque divinité jugeant que la pomme lui revenait. Donc, tout le monde s'était chicané pour avoir la pomme d'or sur laquelle est écrit « à la plus belle ». Donc, pour faire cesser les chamailleries, Zeus désigna Pori. C'est Paris, mais avec un accent circonflexe sur Paris, le « or », ça doit être Pori. C'est comme du pari-porté. C'est en plein ça. C'est bon, du pari-porté. Ah, délicieux. Donc, Zeus désigna Pori comme volontaire pour décider qui, entre Aphrodite, Héra et Athéna, devait garder la pomme. Du coup, afin d'être choisi, chacune fit une promesse à Pori. La première lui promettant l'amour de la plus belle femme du monde, la deuxième un grand royaume et la troisième la sagesse. Donc, ce béni de Paris, Pori, se laissa convaincre par la promesse d'Aphrodite et lui remit la pomme d'or. Si on comprend donc maintenant l'origine de la pomme de discorde, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. En effet, la femme promise par Aphrodite s'avéra être Hélène, reine de Sparte et épouse de Ménélas, qu'Apaori enleva et ramena à Troie, provoquant ainsi la guerre dans laquelle les deux autres déesses, haineuses de ne pas avoir été choisies, donnèrent un petit coup de main aux Grecs. Donc, accessoirement, on peut noter que si la pomme peut être de discorde, la guitare, elle, peut être à discorde. Ah, c'est drôle. Comme ta petite joke tantôt. Ben oui, j'ai 3 secondes pour y penser. Mais Aphrodite, c'est la version plus classe de Jandy. C'est un Jandy, t'as aussi Aphrodite. Non. Bref. Ouais. Un pique-nique. Ah, oui. C'était sur MIRC dans le temps, sur Merck. T'avais quelqu'un qui piquait ton nick tout le temps, fait qu'il était pique-nique. Oh. Eh boy. Mais ça me rappelle le pari pâté. Comment ça fait qu'il n'y a pas juste su Subway? Je vais te prendre un 12 pouces pour aller pâter au foie, s'il te plaît. Parce que tu peux te le faire chez vous. Dégalasse. Continue. Pique-nique. Oui. T'as pas de joke là-dessus? Hein? Pique-nique? Ouais, c'est le gars qui pique ton nez sur MSN. Ah oui, c'est vrai, c'était tellement mauvais, je l'avais déjà oublié. Ben, j'ai 3 secondes pour y penser. Pique-nique, c'est un repas collectif pris à la campagne ou dans la nature. Donc, le mot est d'abord attesté à la fin du 17e siècle. dans la... Il faut que je réfléchisse vite, là. Ben oui, t'as aussi juste 3 secondes dans pour y penser. Moins que ça. dans la forme « faire un repas à pique-nique », qui voulait dire « faire un repas où chacun soit apporte quelque chose à manger, soit paye sa part ». Donc, un siècle plus tard, on pouvait aussi trouver la forme « faire un pique-nique » ou de faire un repas à pique-nique sans que la signification ne change. Et ce repas pouvait se faire aussi bien en extérieur que chez quelqu'un, voire dans une auberge. Donc, c'était pas nécessairement en plein air comme on l'imagine aujourd'hui. C'était donc un peu l'équivalent de ces repas entre amis aujourd'hui où chacun amène une partie de ce qui se trouvera dans les assiettes, un potluck qu'on appelle. Ouais. Donc, pour ce qui est de l'origine du mot... Ben, il n'aura échappé à personne hein, qu'il y a deux mots, deux parties à ce mot. Et un trait d'union. Effectivement, mais on ne va pas parler de l'origine du trait d'union aujourd'hui. Donc, la première, pique, viendrait du verbe piquer avec le sens de picorer, utilisé au 17e siècle par allusion aux oiseaux et aux poules, bien entendu. La deuxième, nique, toujours à la même époque, une nique désignait une petite chose sans valeur. Elle a aussi désigné une petite monnaie. Hein? Donc, l'assemblage des deux, qui a bien entendu été favorisé par la rime, on s'entend, on aime ça, pique-nique, symboliserait donc les petites choses que chacun amène pour picorer, puisqu'on y mange un peu de chacun des plats. Voilà. Cool. C'est ça. Ouais. Ensuite, un œuf à la coque. Non. Non, je sais. C'est trop facile. J'ai fait ça un petit peu plus loin. Je dirais le chiffre 9, évidemment, quelque chose avec le chiffre 9. Ouais. Comment c'est que ça? Donc, un œuf. C'est juste un œuf à la coque? C'est une expression, ça. C'est pas aussi juste une nourriture. Mais oui, mais le mot, quand même, une origine. Hein? Ouais. Donc, un œuf pouce de longueur. Okay. Puis le reste, c'est ce que tu pensais que ce serait. C'est ça, chez Quiznos. C'est un œuf pouce à la coque. Oh. Ah, j'ai pas le choix. Donc, un œuf à la coque, c'est un œuf cuit dans sa coquille dont le blanc et le jaune restent semi-liquides. Semi-liquide. Donc, à faire attention parce qu'un œuf à la coque, au Québec, pour nous, ça veut dire un œuf cuit dur, mais c'est pas ça du tout. Faut faire la différence avec un œuf cuit dur et un œuf à la coque. Donc, un œuf à la coque, c'est tout simplement un œuf cuit peu de temps dans sa coque ou coquille, par opposition aux œufs cuits hors de leur coquille, comme ceux au plat ou les œufs brouillés, voilà. Oui. Donc, j'en vois déjà qui capotent, là. Ouais, mais un œuf cuit dur, c'est aussi cuit dans sa coquille, dans sa coque, mais on ne l'appelle pas un œuf à la coque pour autant. Effectivement, mais un œuf dur se mange hors de sa coque. Donc, on va l'enlever avant de le manger parce que tout est cuit. Contrairement à l'œuf à la coque qui, dans le fond, doit tout subir à l'intérieur de son enveloppe. Mais on va couper le dessus, mais on mange à l'intérieur de la coquille. De là, l'œuf à la coque, on mange dans la coque. Voilà. Et finalement, dernière expression pour aujourd'hui. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé. Tu m'en sors des durs, là. Une fois de temps en temps, tu m'en sors des pas faisables. Ben, faut que tu te forces. C'est ça, puis j'ai de la misère des fois à me forcer. Attends. Ça fait chauffer ton cerveau c'est un peu. J'en ai besoin. Je te reviens à la fin. Ok. Bon. Donc, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, ou ce n'est pas mon activité préférée. Donc, cette expression assez récente en France, donc probablement au Québec aussi, est la traduction littérale de la même expression en anglais. It's not my cup of tea. Avec l'accent en plus. Ben oui, mais clairement, ouais. C'est clairement anglais, là. Ouais, tu l'avais. Temps de tout. Donc, l'origine de cette expression anglaise semble perdue. On ne sait plus pourquoi « cup of tea » s'est mis à désigner une chose, un sujet ou une personne. Ce qu'on sait, c'est que la forme négative est apparue vers 1920, bien après la forme positive, donc « it's my cup of tea », attestée à la fin du 19e siècle pour désigner des choses ou des personnes qui plaisaient à la personne employant l'expression. Mais à partir du début des années 1900, c'est la forme négative qui a pris le dessus. Mm-hmm. Et on n'utilise pas vraiment la forme positive. Ah, jamais. C'est ma tasse de thé, ça. Vraiment pas. Peut-être, mais, pour le fun. Tasse de thé, c'est une autre façon de dire une paire de fesses. Parce okay. que si tu tasses de thé, ça donne ass dans tasse. Quand tu tasses de thé dans tasse, ça fait ass. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Ben, c'est quand même pas si pire. Okay, merci. C'est pas si pire. Merci. Ça peut être intéressant. Ah ouais. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait, si on se forçait vraiment. Merci, Steph. Ça fait plaisir. On fait sa plus simple expression les mardis à 9h. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien oui, vous êtes toujours dans le dîner de cons avec Dany Janvier. Décryogénisation de l'équipage amorcée. Eh bien, qu'est-ce qu'on écoute en ce moment? Eh bien, c'est simple. C'est la bande sonore de Bibi The Movie avec André Sauvé et Bibi Z9994X. Écoute, va. Maurice, le robot culinaire s'occupera du menu. Prendriez-vous un petit café? Génial. Donc, c'est ça, on se rappelle de Bibi. Hein? Bibi est de retour dans une bande-annonce humoristique signée Les gars des vues. C'est sorti le 17 janvier. Donc, notre sympathique extraterrestre de peut-être votre jeunesse n'est plus aussi gentil que du temps de Bibi et Geneviève. Dans un futur éloigné à bord du vaisseau, le Dyslexia, une équipe de Marines a pour mission de ramener un échantillon de la planète XY1000Z. Après quelques incidents inquiétants, ils se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls à bord, peut-on lire dans la légende du vidéo. Mettant en vedette l'humoriste André Sauvé, la fausse bande-annonce du film Planète XY1000Z nous donne réellement le goût de savoir ce qui est arrivé à notre Bibi et Citron. Hein? Alors, vous irez voir cette bande-annonce qui est disponible via la page Facebook du Dîner de con. Hein, ici, il pratique un cunnilingus sur scène en plein concert. Et durant un concert de qui? Eh bien, de Dead Kennedys. Un admirateur a très mal choisi son moment pour offrir un petit cunni à sa copine. En effet, le jeune homme a été surpris en pleine action sur la scène jeudi dernier. Les membres du groupe se produisaient à la Belly Hop Tavern de Solana Beach, en Californie, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'un couple avait choisi leur scène pour pimenter leur vie sexuelle. Ils ont aperçu la femme nue et couchée sur le dos. L'homme pratiquait un cunnilingus sur elle. Selon ABC News, aucune plainte n'a été portée contre le couple. Le patron de la taverne a affirmé que ce type d'incident ne s'était jamais produit dans son établissement et qu'il n'encourageait pas du tout ce genre de comportement. La photo circule depuis quelques jours sur Reddit, Twitter et sur plusieurs autres sites américains. Et on se rappelle que Dead Kennedys, hein, c'est pas leur première frasque. Là, c'est pas de la faute du Ben. C'est des spectateurs, ce sont des fans qui ont fait ça. Mais Dead Kennedys, dans les années 70, je dirais, ça brassait pas mal. Jello Biafra, si je me rappelle bien, il doit être encore le chanteur. Eh bien, c'était un personnage assez particulier qui se produisait sur scène dans souvent des... Moi, je l'ai vu dans des habits assez louche, genre un One Piece de garagiste, mais ouvert jusqu'en bas de l'entrejambe, là. Donc, on voyait pas mal se promener la patente. Fait que je pense que ça fit quand même dans un show de Dead Kennedys. Tu sais, c'est sûr que c'était durant un spectacle de Marilyn Tiber. Je pense qu'on en parlait un petit peu plus, puis il y aurait peut-être eu des plaintes déposées, bien sûr. Sinon, je vous parle de cette dame qui accouche de jumeaux. Bon, OK, premièrement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle accouche de jumeaux à l'âge de 70 ans. OK. Donc, Omkali Singh est devenue la mère la plus âgée du monde en 2008 lorsqu'elle a donné naissance à ses jumeaux Amritawi et Barsahat à 70 ans. Malheureusement, le destin lui a enlevé sa fille alors qu'elle était âgée de seulement 4 ans. À 76 ans, elle avoue qu'elle passe régulièrement pour la grand-maman de son fils qui a seulement 6 ans. Cette grossesse de la femme d'Uttar Pradesh située dans le nord de l'Inde n'est pas passée inaperçue. La plus vieille mère du monde a énormément été critiquée par sa communauté lorsqu'elle a donner naissance à ses enfants. Même si elle admet avoir eu un peu de difficulté à donner le bain, à les habiller et à suivre son garçon très énergique, Omkali Singh se dit très heureuse de pouvoir élever Amrirati avec l'aide de son mari qui, lui, est âgé de 89 ans. Parent de 2 filles et grand-parent de 5 petits-enfants, Omkali et son mari rêvaient d'avoir un fils. Finalement, le septuagénaire est tombé enceinte alors que sa fille aînée était âgée de 50 ans. Hein? Ta sœur, elle a 50 ans, puis toi, t'es naissant, là, t'as quelques jours. La plus vieille mère du monde n'est pas inquiète pour l'avenir de son garçon. Elle sait que ses filles vont prendre soin de lui quand elle sera décédée. Son seul souhait est que son fils se marie très jeune pour qu'elle puisse assister au moins à son mariage. Hein? C'est génial. Ici, qu'est-ce qu'on... T'as un petit peu, on l'a-tu? OK, on va l'avoir. Un party dans une maison de 70 millions. Si ça vous intéresse d'aller voir les photos de ce que ça peut avoir de l'air, eh bien, c'est ça. Hein? On se pose la question, comment pend-on la crémaillère dans une maison de 70 millions de dollars? Eh bien, avec des vedettes, des voitures de luxe, des fontaines de chocolat, des pitounes, ça c'est sûr. Hein? Donc, pour inaugurer sa nouvelle demeure à Beverly Hills, le créateur du jeu, petit jeu pas très connu, là, Minecraft, Marcus Notch Person, a invité ses invités à une somptueuse réception avec plusieurs chefs invités, un mur de bonbons avec 3 fontaines de chocolat et bien entendu plusieurs célébrités, dont Selena Gomez, les producteurs de musique électronique DJ Z et Dylan Francis. Acquise pour la modique somme de 70 millions de dollars américains en décembre dernier, dépassant même une offre de Beyoncé et de son conjoint Jay-Z, la résidence détient le record de la propriété la plus chère de Beverly Hills, qui compte pourtant son lot de palaces, tout à fait, d'une superficie de 23 000 pieds carrés. La demeure située au 11, hein, on vous donne même l'adresse, là, au 1181 North Hillcrest Road, compte 8 chambres à coucher, 15 salles de bain. Moi, j'essaie de comprendre, mais en tout cas. Équipé de cuvettes à 6 000 pièce, donc chaque bol vaut 6 000. Une piscine infinie avec une vue panoramique sur Malibu Beach. Malibu. Un cellier de plusieurs milliers de bouteilles, une salle d'entraînement tout équipée et un garage ultramoderne avec plancher hydraulique et des plaques tournantes pour exposer la collection de voitures de luxe du propriétaire. Donc, on peut vraiment, là... Tu mets tes autos sur les plaques tournantes, puis là, tu peux montrer ton avoir à tout le monde. Hein? Le développeur de jeux vidéo de 35 ans avait vendu en septembre 2014 sa compagnie Mojang à Microsoft pour la petite modique somme de 2,5 milliards de dollars. Donc, une maison à 70 millions, c'est un pet. Ben non, mais quand t'as 2,5 milliards de dollars, 70 millions, c'est quasiment du change. La voiture accidentée de David Beckham est en vente à moitié prix sur eBay. Donc, David Beckham aurait-il trouvé le moyen de tirer profit d'un accident de voiture? Eh bien, sa Audi RS6 accidentée pourrait être en vente aux enchères sur eBay. Donc, Beckham a été victime d'un accident de la route en novembre dernier alors qu'il ramenait son fils Brooklyn de sa pratique de football à Hertfordshire. Heureusement, le célèbre joueur de soccer et son garçon n'avaient subi que de légères blessures, mais l'incident avait laissé la voiture, elle, dans un piètre état. Le véhicule, affiché comme étant l'ancienne voiture d'une célébrité, pourrait bien être celui du sportif. Les dommages sur la Audi sont similaires à ceux laissés sur celle de Beckham lors de son accident. En vente seulement à 42 995 livres sterling, si je vois bien l'annonce, parce qu'on a juste une photo, une genre de capture d'écran de l'annonce eBay. On a ici, ça c'est toujours ridicule, hein, d'un ridicule consommé, comme on dit, un héritage de 1 million de dollars pour son chien. Pourquoi pas? Donc, une New-Yorkaise a modifié son testament pour que son chien hérite de 1 million de dollars. Elle s'appelle Rosen Bolesny. Elle a confié au New York Post qu'elle veut s'assurer que son toutou continue à vivre une vie de luxe lorsqu'elle sera décédée. Méchante folle. Non, mais gars, elle fait ce qu'elle veut avec son argent, mais il me semble que tu sais, ton chien, là, du moment qu'il y a de quoi à manger, là, à peu près, là, il s'en fout du reste. En tout cas, moi, je donnerais bien plus 1 million à une famille que je connais autour pour qu'il s'occupe de mon chien. Pas le million à son chien. En tout cas, elle est persuadée que Bella Mia est la fille qu'elle n'a jamais eue et estime qu'elle a droit à une part du gâteau. La fortune du bichon maltais comprendra des bijoux, une résidence secondaire à Sainte-Lucie et des fonds de placement. Pourquoi pas? Louis et Robert, les enfants de la dame âgée de 60 ans, ne voient aucun problème à ce que le compagnon à quatre pattes de leur maman hérite aussi d'une partie de la fortune. Ils sont d'accord parce qu'ils vont recevoir plus d'argent que Bella Mia. Mes enfants sont des adultes qui ont des carrières enviables et n'ont pas besoin de mon argent. Ils savent à quel point elle nous rend heureux, mon mari et moi, poursuit-elle. Toujours vêtue de vêtements griffés, la petite chienne blanche est nourrie au filet mignon. Elle porte des robes de princesse et des accessoires ornés de diamants. Bella Mia a défilé à plusieurs reprises sur des passerelles et a participé à de nombreuses émissions de télévision. Elle a aussi remporté le New York Pet Fashion Show 2 années consécutives dans les années 2013 ainsi que 2014. Un ridicule consommé, vous dites? Ici, sauvé par une morsure de serpent mortel par son costume de Stormtrooper. Ça, c'est de la vie. Un Australien a été sauvé de la morsure mortelle d'un serpent par son costume de Stormtrooper, alors qu'il parcourait l'Australie en costume de Stormtrooper pour recueillir des dons pour la fondation Storming Australia. Scott Loxley a été attaqué par un serpent de la Mulga, un Pseudochi ostrasis, l'une des espèces les plus venimeuses du monde. Heureusement, Loxley a été sauvé de la morsure mortelle de la vipère par son armure, une réplique en plastique de celle portée par les soldats de Darth Vader dans la Guerre des Étoiles. Et là, moi, ça m'énerve parce que l'article où je prends ça, c'est un site canadien, OK? Je le nommerai pas, ça me tente pas. Mais Darth Vader n'existe pas en Amérique. Il existe peut-être en France, mais en Amérique, même en français, c'est Darth Vader, juste pour vous le dire. Donc, il m'a mordu sur le tibia, mais mon armure m'a protégé et a bloqué la morsure afin d'amasser. Mais il n'a pas mordu de bord, il a mordu ton costume. Afin d'amasser 100 000 $ en dons pour le Monash Children's Hospital, Loxley a entrepris en 2013 de parcourir 15 000 km à pied déguisé en Stormtrooper et à ce jour, près de 40 000 $ déjà ont été récoltés. La force était clairement avec lui cette journée-là et on lui souhaite plus de dons, que les gens soient plus généreux envers sa cause. Et puis ça fait des belles images en plus, hein, un Stormtrooper toujours vendeur, ça c'est sûr. On s'en fait une petite dernière, oui, avant d'aller en pause publicitaire. Je vous parle de cette dame, une jeune femme, qui envoie un message sur un ballon à son père qui est décédé et puis reçoit une réponse. Ça, c'est assez mystérieux, hein? On va en apprendre un peu plus sur ce mystère. Une adolescente, donc, qui envoie chaque année des messages sur des ballons à son père décédé pour son anniversaire, a finalement reçu une réponse. Le père d'Ashlyn Maracciano, eh bien, est décédé en 2010 d'un anévrisme au cerveau. Depuis, l'adolescente de 16 ans lui adresse des messages qu'elle envoie dans le ciel à l'aide de ballons. Cette année, contre toute attente, elle a reçu une réponse. Le ballon, envoyé de Los Angeles en Californie le 6 janvier dernier, a parcouru plus de 700 km avant de se poser à Auburn, en Alabama. Lisa Swisley, touchée par ce qui a été écrit par la jeune fille, a décidé de lui répondre comme l'aurait fait son père. Elle a simplement écrit « Je t'aime et c'est fou comme tu me manques ». C'est touchant, je vous le lis, puis je trouve ça touchant. Dans son message, Ashlyn donnait des nouvelles à son père. Elle lui mentionnait qu'elle venait tout juste d'entamer sa 11e année de balmol, qu'elle aurait bien aimé son aide pour peaufiner ses techniques de lancer. Et l'adolescente a également écrit à quel point elle trouvait injuste de ne pas avoir passé assez de temps avec lui et lui demandait de lui donner un signe, n'importe quoi, juste une preuve qu'il était toujours avec elle. La femme qui a trouvé le ballon à partager le message de la jeune fille sur la page Facebook Pay It Forward, un compte destiné aux histoires touchantes et aux actes de générosité en espérant retrouver l'adolescente. En entrevue avec KCBS, Lisa confie que dès qu'elle a lu la lettre d'Ashlyn, elle savait qu'elle allait trouver le moyen de lui répondre. belle histoire. Hein? On peut faire un peu vivre le mystère avec tout ça. C'est génial et puis ça peut faire plaisir à une jeune demoiselle qui a perdu son papa. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Charles-Antoine Rioux. C'est parce que c'est le moment de la chronique plein air du Club plein air. Écoutez. Effectivement. Ah. Ouh, est-ce qu'on saute en bas de la, pente? La pente, on sautera pas, c'est un peu... C'est dangereux, hein? Pas dangereux. Bon, gestion de risque, gestion de risque. C'est quasiment le moment là, de parler de plein air. Pas là, parce que là, c'est moi qui t'aurais parlé, mais oui. Après ça, ça va être toi. Ça. Ah, puis là, on y arrive. C'est là, je peux dire que c'est maintenant. Là. C'est maintenant, ça commence maintenant? Oui, c'est notre première chronique de la session d'hiver 2015. Oui, on va se voir encore aux deux semaines. Oui, encore, absolument. Toujours, et ça va être les mercredis à 8h. Toujours, on garde horaire. Puis là, je me suis dit que pour bien commencer la session, on allait peut-être faire une petite variante. Au lieu d'être juste une chronique de plein air, ça fait une chronique, là, j'ai inventé un nouveau mot, fait qu'on va si c'est pas trop compliqué. Plénéro-culturel. Yeah boy. Ouais. OK. Mais pourquoi pas culturo-plénérienne? Ah, ça serait, c'est plus beau comme ça. Hein? Je sais pas, là. Ah, j'aime mieux ça. Je pense que je vais... J'essayais pas de te battre. Là, non, mais c'est correct. Voir, c'est fraîchi, mais vraiment fraîcheur. Juste fraîcheur. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à Trois-Rivières dans les prochaines semaines, qui ont beaucoup en lien avec le plein air, mais qui sont moins sportifs, plus culturels comme événement. Fait qu'en fait, il y en a deux, puis je vais vous en parler ce matin. Cool. Pour que vous puissiez être au courant, puis peut-être venir même si vous voulez. Tant qu'à ça. La première, en fait, c'est ça se passe jeudi le 29 janvier. C'est ici à la Chasse-Galerie. C'est le soir, c'est une soirée conférence, donc le club de plein air... Est-ce dehors? Non, c'est à l'intérieur. Non, c'est pas sur la terrasse. Non. On y a pensé, mais c'était plus accessible si on faisait dedans. Ouais. Surtout le soir avec la température. Ouais. En fait, c'est qu'on va avoir... on a en fait des contacts au club de plein air, puis on a plusieurs amis qui font beaucoup de choses, qui sont dignes de conférences. Un qui va être là jeudi soir, c'est Jean-Philippe Brûlé, qui est un guide de plein air professionnel, chevronné vraiment. C'est un gars que je connais depuis plusieurs années et qui a vraiment roulé sa bosse dans le domaine. Puis c'est vraiment une conférence sur c'est quoi être guide de plein air, c'est quoi le monde du plein air en 2015. C'est super intéressant, c'est vraiment un espèce de point de vue sur un métier qu'on connaît pas beaucoup. Et en deuxième partie, on aurait un autre conférencier surprise. Ah. Alors là, j'en dirai pas plus. Parce que c'est une surprise. Il sort d'un gâteau, quelque chose, hein? Ah, c'est pas pire, ça? On va y penser. Ouais, pensez-y. On va y penser. Un gâteau de boîte, là, ce serait vraiment le fun. Donc, c'est ça, c'est tout à fait gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Je pense... Tout le monde. Les gens qui sont vraiment comme colons. Là, ouais. On les veut pas. Peut-être pas. Là, c'est des une petite gêne, mais sauf vous. C'est ça. Sauf vous autres. Mais sinon, c'est pas le karaoké, là, quand même. Non, c'est ça. Et il va aussi avoir des prix de présence. On a réussi à avoir des certificats cadeaux du Atmosphère à Trois-Rivières. Donc, on va faire tirer ça. Parce que t'as des contacts pour ça aussi. On a des contacts pour ça aussi. Donc, et d'autres prix de présence aussi, que je, encore une fois, qui sont des surprises. Fait qu'on garde un peu de suspens. On va revenir sur le temps. C'est de 17h à 21h. Donc, okay. Non. C'est pas vrai. De 7h à 9h. Donc, de 19h à 21h. J'ai de la misère avec les heures d'armée. En 24h, c'est ça. À 1700 heures. Donc, c'est ça, à partir de 7h, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de succès gratuit. Il n'y a pas, de cover pour rentrer. Cool. C'est super intéressant. Et la deuxième événement plus culturel, si on veut, dans le monde du plein air, qui va se passer, c'est le 11 février prochain. Donc, on est un petit peu plus loin, dans 3 semaines, je crois. Et ça, ce que c'est une représentation à Trois-Rivières d'une compilation du festival de films de montagne de Banff. Alors ça, c'est cool. Connaissez-vous ça? Oui, un peu. J'en ai entendu parler, j'ai vu des extraits. Ça, c'est quand même assez impressionnant. En fait, à ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, à chaque année, il y a un très, très gros festival de films qui se passe à Banff, donc à la ville qui porte aussi le nom du parc national de Banff. Et qui est aussi un excellent onomatopée aussi. Oui, aussi. Banff! Puis c'est aussi en fait un beau monde de ski là-bas. Ouais. Enfin, il y a eu beaucoup de beaux skis en Alberta. Et ce qui se passe là-bas, c'est que des plein-airistes, des amoureux du plein air, des sportifs de plein air partout dans le monde peuvent présenter un film qu'ils ont fait tant que c'est un lien avec la montagne. Donc, c'est vraiment autant sur... Puis là, on a vraiment de tout. Il y a des choses sur l'alpinisme, l'escalade, le kayak et le canot, parce que je veux pas, tu sais, une rivière qui descend, ça descend souvent une montagne. Mmh. C'est vraiment tout ce qu'il y a avec la montagne, de la slackline, plein de choses. Y en a-tu sur le trois skis? Des fois, oui. Sérieusement, on voit vraiment de tout. Ah, cool. As-tu Alex Nevsky? Ah, je sais pas. Trop mainstream. C'est ça. Alex Trotsky. C'est son nom d'artiste juste pour le festival. Son nom de scène. Par contre, il y a même des choses sur le je me sais plus du nom. Je crois que c'est le paraski, mais je m'avancerai pas. C'est du ski pour les personnes qui sont à mobilité réduite, ouais, dans la chaise roulante. Donc, tu es assis sur un espèce de gros ski. Puis, au bout de chaque main, tu as une petite canne avec deux petits skis pour te stabiliser. Je ne sais plus du nom, mais en tout cas, il y en a vraiment sur tout. Et le gros festival, ça dure pendant une semaine, si c'est pas plus là-bas. Et après ça, avec tous les gagnants ou une partie des gagnants, ils font une tournée mondiale. Fait qu'ils font le tour du monde, vraiment. Puis il y a des représentations pendant toute l'année de ça. Et à Trois-Rivières, c'est le 11 février prochain. Ils vont être à Trois-Rivières? Oui, c'est à Trois-Rivières. C'est 25$ le billet, ça dure une soirée. On a à peu près 3 heures de films. Fait qu'ils vont, c'est ça qu'ils présentent, pas les films au complet, c'est les extraits. Mais c'est toujours super intéressant. Puis si vous voulez vous donner l'eau à la bouche, allez sur YouTube et écrivez Festival de films de montagne de Banff 2015. Et le teaser, le vidéo promotionnel est toujours super bon. Hein? Oui. À regarder, ça vaut vraiment la peine. Il y a des affaires assez extrêmes là-dedans. Puis oui, quand même. Il y a de la perspective à la première personne. Puis c'est que ça passe aussi. Ça passe vraiment de tout. Hein. Ça passe vraiment des gars qui vont sauter des montagnes en ski, ouais, puis après ça, ils partent en parapente par après. Du gars qui fait de la slackline pas attaché au-dessus d'un gouffre de 1000 pieds. Ouais. À des films beaucoup plus culturels aussi, mais sur vraiment des personnalités ou des cultures qui sont en lien avec la montagne, pour ne pas en parler. La première année, moi, il y a 2 ans, il y a un film qui m'a vraiment marqué. C'était 2 Sherpas. Je sais pas c'est quoi des Sherpas. Mm-hmm. C'est un crayon. Oui, c'est aussi un crayon, mais c'est aussi le Sherpa, c'est aussi le nom qu'on donne aux personnes qui vivent aux indigènes de l'Himalaya, qui vont aider les alpinistes à monter en altitude. Souvent, c'est les Sherpas qui transportent le plus de bagages, le plus, ouais, de poids, parce que naturellement, comme son en altitude, sont beaucoup plus acclimatés, mm-hmm, à l'altitude. Puis un Américain, en fait, serait pas capable, même après beaucoup d'entraînement, de se rendre jusqu'au haut de l'Everest tout seul. L'Américain moyen n'est pas capable de faire grand chose. Effectivement. Fait qu'encore là, si on monte dans la gamme supérieure, l'Américain plus que moyen, il est capable de faire beaucoup de choses, mais pas jusque-là quand même. Fait que c'est ça. Et ces 2 Sherpas qui se sont dit, nous, on va monter le mont Everest, qui est la plus haute montagne sur la Terre, et on va le redescendre en parapente. OK. Et tabarouette. Alors là, c'est super intéressant. Et moi, dans ce film-là, il y a un point de vue qui m'a fasciné. C'est qu'il y a une gang d'Américains qu'eux autres. C'est vraiment une grosse équipe multiculturelle, si on veut, pour tout coordonner ça. Et là, ils montent l'Everest. Et arrivé en haut, il y a le caméraman qui fait un tour d'horizon. C'est vraiment beau, d'un, tu fais le tour d'horizon du point le plus haut sur la Terre. C'est rare qu'on voit ça. Et là, tu vois des Américains qui préparent le parapente avec leur gros masque à oxygène. Et juste derrière, en arrière-plan, il y a un Sherpa qui fume une cigarette. Mais ils sont en haut du Mont Everest. C'est super intéressant comme festival. Wow. C'est pas très cher, 25$. Il y a encore des billets disponibles. C'est à la salle Gian-Antonio Thompson, ici, à Trois-Rivières. On peut tout acheter ça sur Internet. En spectacle. En spectacle, exactement. Et ça vaut vraiment la peine. Ça a l'air intéressant, cool, effectivement. Ouais. Super cool. Sinon, le club plein air, UQTR, on repart de plus belle pour la session. En fait, notre première activité, c'est effectivement la conférence de la semaine prochaine. Mais on a aussi d'autres activités qui sont prévues au calendrier. Il va y avoir... en fait, on a commencé quelque chose. On a fait un test cette session-ci. Au lieu de toujours organiser... je repars du début, j'étais pas clair. À chaque année, habituellement, on organise une sortie de ski ici à la Vallée du Parc. Okay. Cette année, on a essayé quelque chose de nouveau. On s'est dit, au lieu de tout organiser ça, c'est toujours très complexe, toujours très de demande. On s'est dit, on va juste créer, via notre page Facebook, un espèce de petit happening, puis dire aux gens, OK, nous autres, on fixe une date, telle date, nous autres, on y va. Qui c'est qui y va? Puis on s'organise pour covoiturer ensemble sur le site. Et ça a marché vraiment à un point tel qu'on s'est dit, c'est beaucoup trop intense juste pour notre page Facebook. On peut créer une page à part. Aïe, aïe. Bref, on va continuer à le faire cette session-ci. Fait que si vous êtes un skieur ou un planchaneigiste, un planchiste, ou un... Non, ça, c'est... Comment t'appelles les gens qui font ce télémarque? Du télémarketeur. Télémarketing, c'est ça. Télémarketing. Des télémarketeurs. Oui. Niveau courant, visitez notre page Facebook et on va afficher ça là. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui vont, dont nous, qu'on a une voiture. Fait que c'est facile. Covoiturage, c'est super simple. On a aussi le 18 février prochain une initiation à l'escalade de glace. Okay. Donc, American Aventure, ici en ville, il y a une, je sais pas si vous l'avez déjà vu, une tour de glace. Ils ont bâti, deux espèces de gros piliers. C'est pas très, c'est très très haut. La crème à glace. La crème à glace. Mais c'est vraiment, c'est la crème de la crème de, okay. De la tour de glace. C'est comme deux piliers qui l'été, on dirait juste des grosses structures en métal. Mais l'hiver, ils ont mis des tuyaux d'arrosage là-dedans. Fait que l'hiver, il arrose tous les jours et ça fait vraiment deux grosses colonnes de glace. Wow. Et on t'a assuré évidemment comme escalade. Et on fait de l'escalade de glace avec des gros crampons puis des gros piolets. C'est le 18 février, c'est en soirée. Donc, ça va tourner autour de 30 à 40 $ par personne. C'est assez dispendieux, mais c'est tout l'équipement fourni. C'est 3 heures d'initiation. Et ça, c'est question au calendrier en ce moment. Mais on a d'autres encore qui s'en viennent pour la session. Et aussi. On a le temps de reparler aussi de semaine en semaine oui. ou deux semaines. Encore, toujours. Vous avez encore votre kiosque devant la cafétéria? Toujours. En fait, c'est rendu notre local. On a réussi à l'avoir. On a enfin un local qui est à nous. Quand vous passez dans le coin de la bibliothèque, il y a toujours une espèce de gros local grillagé, hein, avec un gros grillage qui est fermé. Quand il n'y a pas de grillage, parce qu'il est ouvert. C'est pour qu'on est là. Ok, rentrer. Je pensais que c'était parce que vous étiez un peu sauvage. Ouais, c'est ça. Attention, on a quelques membres du club qui sont plus... On a-tu le droit de vous nourrir? Oui, il y a une petite machine distributrice, c'est juste à côté. Là, ouais. C'est 25 cents pour parfait. La mouler, puis votre main passe à travers l'agréage. La mouler. On a notre affiche qui est affichée là, et on a aussi une petite télévision, pour ceux qui ne savent pas, et on diffuse souvent des photos et toute l'information aussi. Disons, vous êtes à l'école, vous demandez « Oh, j'ai pas mon portable, mais je veux voir ce qui se passe au club de plein air. » Ben, c'est un peu notre programmation qui est diffusée en images aussi. Et vous êtes télémarketing. En boucle. On est télémarketing. Wow. Il y a encore du monde qui font ça, du télémarketing? Télémarketing, et ça regagne en popularité, ouais. Parce que c'est très... Mais c'est quoi, là? Je suis pas au courant, moi. Ben, t'sais, du ski, t'as une grosse botte très, très rigide, puis le talon et l'avant du pied sont fixés sur ton ski. Okay. Ça bouge pas, tu descends. Le ski de fond, c'est comme ça. C'est une bottine qui est beaucoup plus légère, mais qui a juste l'avant du pied qui est fixé. Donc, le talon lève. Ça aide à faire le mouvement ski de fond. Le télémarque, c'est une grosse botte assez rigide, mais c'est inspiré du ski de fond, dans le sens que ton talon n'est pas flexible. Fait qu'au lieu de vraiment bouger avec ton angle, vraiment lié sur tes corps pour glisser en ski, tu vas avancer un pied, plier. Puis, dans le fond, disons que je plie mes genoux, en avançant une jambe et en reculant l'autre. Fait que t'es comme toujours semi à genoux. Okay. Tu bouges comme ça, c'est hein? ça. C'est comme ça que tu tournes. Ça fait de l'exercice sans maudit, ça. Ben, c'est ouais, ça doit être assez complexe. Ça regagne pas. La technique est pas facile. C'est un peu plus complexe, effectivement, mais c'est aussi vraiment meilleur pour le corps. En fait, ça regagne en popularité parce qu'ils ont réalisé que pour les articulations, comme t'es toujours en flexion, tu forces beaucoup tes articulations, ça remuscle et c'est vraiment meilleur pour tes genoux, surtout que le ski ou la planche à neige qui mange beaucoup d'impact. Donc, c'est pour ça que ça a gagné en popularité. Puis s'il y en a d'entre vous qui ont skié, là, ça vaut la peine de l'essayer. C'est pas si dur que ça, mais c'est cool. Moi, zéro planche à neige, zéro ski. Ski de fond, oui, mais ski de fond de très plat, hein, pas trop de côte. Mais ça ressemble beaucoup au ski de fond. Hein. Non, mais j'ai bien trop la chienne. Il y a des petites pentes, Steph. Non, mais j'ai bien trop la chienne. J'ai essayé la planche à neige à mon chum, là. Tu sais, dans la petite côte où t'as tous les enfants de 3 ans qui s'essayent, là. J'étais dans la côte, puis j'avais l'air un peu folle avec tous les enfants qui étaient super bons. Puis... On a tout l'air fou quand on commence. C'est normal. Mais je sais pas, ça marche pas. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas le même pied en avant que moi, donc ça m'aidait vraiment pas. Ça devait vraiment pas aider, effectivement. Non. C'était, ouais. Écoute, dis-toi que moi, j'ai patiné sur glace pour la première fois de ma vie avec une sortie du club de plein air l'an dernier. Oh! Fait qu'on faut tout commencer à quelque part. T'as-tu patiné avec une chaise? Non. Comme il n'y en avait pas d'assez haute pour moi. J'avoue. Ah, c'est notre gaillard de 6 pieds quoi, 4? 4, ouais. 6 pieds 4. Ça fait partie de la game. Je suis Antoine Rioux. On vous retrouve sur le Club Plein Air QTR sur Facebook. Sur Facebook, notre site internet n'est toujours pas fonctionnel. On a beaucoup discuté avec ça. Fait que fiez-vous à Facebook, je pense que ça va vraiment donner notre plateforme, notre seule plateforme en bout de ligne. Ouais. Vous pouvez toujours nous écrire aussi, c'est uqtair@hotmail.fr. Ne vous fiez pas à ce qu'ils écrivent dans l'agenda à chaque année, c'est une erreur. C'est .fr. Hey, hein, ça se peut que tu lis l'agenda. Hein. C'est tout le temps la même affaire à chaque l'agenda. Là, oh ben là! Oh, moi pas là-dessus! Non, c'est nos amis, bien sûr. Nos amis. Oui, ils sont à côté, on les aime beaucoup. On les salue, ben ils nous entendent. Ben, ils nous entendent. Allô? On vous aime, là! C'est des erreurs, c'est correct. Je t'entends de Rio deux semaines à l'Assemblage requis. Oui. Les mercredis à 8h, merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Ah, vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées, l'émission qui se fait des ennemis, mais après ça, essaie de les récupérer le plus rapidement possible. Vu que c'est l'hiver, aussi bien écouter Summerland. Hein? voici une nouvelle entrée de Palmer à ce francophone, c'est Encore loin de toi. On écoute ça, nouvelle entrée, 89 FM, c'est fou. Thank you. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Tout le monde va être heureux. Je vous parle de Star Wars 7. Eh bien, ce sont des fans qui imaginent un combat au sabre laser, mais nouvelle génération. On le sait, Star Wars 7, The Force Awakens, le réveil de la force, est sans doute le film le plus attendu, bien sûr, de cette année en 2015, à tel point que les fans n'en peuvent plus d'attendre et deviennent de plus en plus créatifs concernant l'univers du film. Tentant de passer le temps, c'est le cas de Mr.TVCow qui a publié une vidéo décalée reprenant des éléments de la saga intergalactique. Donc, dans un paysage enneigé, un Jedi est confronté à un ennemi qui tente de lui dérober une boîte mystérieuse. Il se défie alors en empoignant leur sabre laser. Mais très vite, le combat tourne au ridicule car s'ensuit une démonstration de force entre les deux protagonistes qui jouent à qui a le plus gros sabre. Ah ben oui, c'est drôle. Ça fait penser à la parodie Spaceball. Hein? J'ai une astuce aussi gros que le tien. Ces nouveaux et délirants modèles de sabre laser sont un clin d'œil à celui du double garde qu'on a vu dans la petite apparition de la première mini-bande-annonce du film diffusée en novembre dernier. Lors de sa publication, elle avait littéralement emballé le monde entier, les fans allant même de leur hypothèse des plus folles sur les indices laissés par le réalisateur J.J. Abrams. Aujourd'hui, celle-ci comptabilise plus de 54 millions de vues. La bande-annonce du prochain Star Wars. Donc, face à un tel engouement, les rumeurs autour de la réalisation vont bon train alors que le casting complet se dévoile de jour en jour sur la toile. D'autres rumeurs font jaser les internautes. D'abord, c'est le site américain Latino Review qui affirmait une nouvelle bande-annonce pour être diffusée très bientôt lors de la sortie au cinéma de The Avengers 2 le 29 avril prochain. Le trio culte de Luke Skywalker, Han Solo et Leia devrait même y figurer. Les productions Disney n'ont pas démenti l'information, mais n'ont pas non plus confirmé, prétextant ne pas savoir. Ainsi, le suspense demeure. Plus récemment, un bruit courait sur la présence d'un Stormtrooper féminin sur le site de recrutement dédié au cinéma Spotlight UK. Ce serait l'actrice et mannequin Hamby Hartgrave qui jouerait le rôle d'un soldat de l'Empire galactique dans le prochain Star Wars. Cette dernière aurait été castée en tant que soldat d'élite, un terme bien vaste mais qui se rapproche tout de même du statut des Stormtroopers. Et là, je vous envoie quelques noms des nouveaux personnages qu'on va retrouver dans Star Wars 7. Premièrement, eh bien, il y a un nouveau droïde, hein? On l'a vu dans la bande-annonce. C'est une boule avec une tête. Ça ressemble un peu à un R2-D2, OK? Juste la tête du R2-D2, là, la genre de sphère, demi-sphère qui lui sert de tête. Mais son corps, eh bien, c'est une boule qui roule. Et on l'appelle BB-8. BB-8 on the move. Ça va être un des prochains personnages de Star Wars. Il y a bien sûr notre Faucon Millennium qui sera toujours là. C'est un personnage. Il fait presque partie des personnages, hein, parce que c'est un vaisseau mythique de Star Wars. Donc, on aura le Faucon Millennium. On va retrouver Finn. Finn, c'est ce black qu'on voyait dans la bande-annonce. Là. Finn on the run, ça aussi. Un Stormtrooper, on dirait. Hein? D'après son habit, ça ressemble à ça. On a Kylo Ren, qui est un Jedi avec son fameux lightsaber, son sabre laser, avec une genre de poignée. C'est justement, on parlait de la double garde. C'est justement cette épée, ce sabre laser qui a inspiré les internautes à la parodie dont je vous parlais précédemment. Autre nom de personnage qui aura importance finalement dans le prochain Star Wars, eh bien c'est Poe Dameron. Poe Dameron, eh bien c'est un pilote de X-Wing. Ben, d'après la carte, parce qu'on nous montre des cartes comme un peu pour des cartes de joueurs de hockey. Eh bien là, c'est des cartes de des prochains Star Wars. Hein? C'est un peu ça. On a une autre ici, une Jedi, d'après moi, d'après son habillement, c'est Rey, une jeune femme qui me semble bien guerrière. On a toujours nos Stormtroopers habituels qui vont être là. Et il va y avoir beaucoup de X-Wing, rempli de X-Wing cette prochaine édition. En tout cas, moi, j'adore ce vaisseau. Alors, c'est à voir en 2015, le prochain Star Wars. Et là, on s'en va vers quelque chose d'important, vraiment. C'est la chose la plus importante de la journée, et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, mercredi 21 janvier, c'est la journée internationale de quoi? Eh bien, c'est la journée internationale des câlins. D'après plusieurs psychologues et médecins, nous avons besoin chaque jour de 7 minutes de câlins pour nous sentir heureux. Et seigneur, hein, la plupart des gens n'ont pas ça. Oubliez la grisaille hivernale et faites des câlins en cette journée internationale du câlin, le 21 janvier. Le monde célèbre en effet cette pratique, aussi connue sous le nom de National Hugging Day. À cette occasion, censée célébrer la douceur et la chaleur humaine, vous êtes encouragé à prendre dans vos bras quelques secondes votre famille ou vos amis, vos collègues. Depuis quelques années, certains pratiquent également le free hug. L'idée est de se mettre dehors et d'aborder une pancarte avec juste les mots « câlin gratuit » ou « free hug », bien sûr, en anglais. Et là, moi, je fais une petite bémol, une petite parenthèse là-dedans. En 2008-2007, moi, j'ai vu cette pratique-là pour la première fois live dans ma vie. Lors d'un voyage à Bruxelles, j'étais en Belgique, sur la Grande Place, place extraordinaire, vous n'êtes pas allé, il faut voir la Grande Place à Bruxelles. Et puis, il y avait un gars, hyper sympathique, cheveux longs, un peu baba cool, et puis il y avait sa grande pancarte « Free Hug ». Vraiment, c'était magnifique. Il y a tout le monde, plein d'adolescentes, plein d'étudiants, des vieux, des vieilles, tout le monde allait le voir et puis il les prenait dans ses bras. Et puis chacun repartait de là, avec un immense sourire et de l'énergie. Et je vous en parle, puis même encore, ça me touche. Je trouve ça vraiment extraordinaire, cette pratique du free hug en public, dans des endroits comme ça qui sont touristiques et historiques. Vraiment, wow! Alors, si la tendresse et la chaleur humaine ne suffisent pas à vous convaincre, peut-être serez-vous plus sensible aux avantages intrinsèques de ces manifestations de tendresse. D'après plusieurs psychologues et médecins, nous avons besoin chaque jour, chacun, de 7 minutes de câlins pour se sentir plus heureux. Le câlin bien agréable au demeurant réduirait également l'hypertension et le stress. Cette sympathique journée trouve son origine dans l'initiative du révérend Kevin Zaborny. Le 29 mars 1986, ce religieux a eu la joyeuse idée de mettre en place la première journée des câlins pour lutter contre le manque de contact émotionnel ainsi que pour promouvoir la chaleur humaine. La date du mois de janvier a été choisie car l'hiver est synonyme d'un sentiment de dépression plus fort chez de nombreuses personnes. Donc aujourd'hui, eh bien, câlinez, faites-vous câliner et câlinez-en donc autour de vous. Hein? Bonne idée. Ici, très très sympathique, vraiment ridicule. C'est une petite vidéo. C'est ça, oui. Oui, une petite vidéo. C'est un rat qui nous dit qu'il n'aime pas non plus les brocolis. Il n'y a pas que les enfants qui boudent leurs légumes. Eh bien, Dexter, le rat, n'aime pas les brocolis, mais alors là, pas du tout. Dans la petite vidéo publiée sur YouTube, le 16 janvier dernier, le rongeur fait la fine bouche. Sa maîtresse tente à maintes reprises de lui faire manger un pauvre brocoli. Et Dexter résiste et expulse à chaque fois l'effroyable légume de sa petite maison. Il veut rien savoir de ton brocoli. Sinon, on a ces deux Russes condamnés pour avoir aspergé d'eau le mausolée de Lénine. OK? Donc, deux Russes ont été condamnés mardi à 10 jours de prison après avoir aspergé d'eau bénite le mausolée qui abrite le corps momifié de Lénine sur la place Rouge à Moscou en hurlant « Lève-toi et marche ». 10 jours de prison juste pour avoir aspergé de l'eau, a déclaré à l'AFP Irina Duminskaya, une porte-parole du collectif d'artistes Blue Rider, dont font partie les deux hommes emprisonnés. Condamnés par un tribunal de Moscou pour trouble à l'ordre public, Evgeny Avilov et Oleg Basov avaient passé la nuit en garde à vue après leur action réalisée lundi, jour de l'épiphanie orthodoxe, selon OVD, une ONG spécialisée dans le suivi des arrestations militants en Russie. Les deux jeunes hommes Les deux jeunes hommes ont déplacé les barrières qui protègent le mausolée avant de l'asperger à l'aide de grandes bouteilles d'eau bénite en criant « Lève-toi et marche » plusieurs fois avant d'être arrêtés, selon une vidéo qui a été diffusée sur Internet. Les chrétiens orthodoxes ont fêté lundi l'Épiphanie qui célèbre le baptême du Christ dans le fleuve Jourdain et au cours de laquelle les croyants s'immergent symboliquement dans l'eau glacée des rivières et des lacs. Selon Mme Doumitskaya, eh bien, l'action avait pour but de démolir le mythe selon lequel Lénine est immortel en tentant de le ressusciter le jour de l'Épiphanie comme Jésus a ressuscité Lazare. Pardon. L'exposition de la dépouille momifiée du leader de la Révolution d'octobre dans un mausolée sur la Place Rouge divise les Russes. Une majorité de la population est favorable à son retrait, mais les communistes, forts et durs et purs et durs, s'y opposent farouchement. En 2012, un sondage du centre de l'Aveda montrait que seuls 25% des personnes interrogées étaient d'accord pour conserver Lénine dans un mausolée, tandis que 53% estimaient qu'il devait être enterré. Je pense que ce serait la meilleure des idées, mais bon, ça me regarde pas. Je suis pas russe, j'ai pas de nationalité russe non plus. Ici, il y a un bébé trisomique abandonné par sa mère porteuse, eh bien, qui est devenu australien. Le bébé trisomique, dont le sort a ému la planète l'été dernier quand ses parents biologiques australiens l'ont abandonné et sa mère porteuse en Thaïlande, eh bien, vient d'obtenir la nationalité. Australienne. Je travaille fort aujourd'hui. Hein? Pour vrai, j'ai beaucoup, beaucoup de nouvelles. La demande de citoyenneté australienne a été examinée et tous les critères d'obtention ont été jugés recevables. La mère porteuse thaïlandaise, Patraramon Chanbua, a confirmé avoir demandé la nationalité australienne pour son fils Gemi avec l'aide de l'ONG australienne Hands Across the Water, en faisant valoir que son père était, lui, australien. Si moi et toute la famille mourons et laissons Gemi seul au monde, à moins que le gouvernement australien l'aide, la jeune femme, c'est ce qu'a déclaré la jeune femme. Dans l'immédiat, elle n'a pas l'intention d'envoyer son fils en Australie. Je ne veux qu'il reste auprès de moi en Thaïlande, a-t-elle insisté. Gamy s'était retrouvé au cœur d'un scandale lié à la gestation pour autrui après que sa mère porteuse a accusé David Farnell et son épouse de lui avoir abandonné l'enfant, amenant en Australie sa jumelle bien portante Pippa. Il a ensuite été révélé que l'Australien avait fait de la prison pour avoir sexuellement agressé des fillettes. Depuis cette affaire, les autorités thaïlandaises ont lancé une stricte politique de contrôle de la gestation pour autrui, contrôle bien sûr des mères porteuses. De nombreux couples étrangers venaient jusqu'alors en Thaïlande pour utiliser les services de cliniques de fécondation in vitro et bien sûr au service bien sûr de mères porteuses. Mais depuis le début de l'affaire de Gamy, la junte militaire au pouvoir depuis mai insiste sur le fait que la seule gestation pour autrui pour un proche est autorisée. Sur une nouvelle loi en préparation, prévoir de punir de 10 ans de prison les infractions et interdictions de gestation pour autrui contre argent. Eh bien oui, drôle d'histoire. Et puis, sinon, si on s'en va vers cette nouvelle d'archéologie, eh bien, les archéologues face au mystère du tombeau d'Amphipolis. Les restes découverts dans le mystérieux tombeau antique, ces tombes, hein? Eh bien, les restes découverts dans le mystérieux tombeau antique d'Amphipolis, le plus grand jamais fouillé en Grèce, appartient à au moins 5 personnes, dont une femme d'une soixantaine d'années, 2 hommes plus jeunes et un nouveau-né. Le nombre minimum de squelettes identifiés est de 5, dont 4 ont été enterrés et l'un incinéré. C'est ce qu'a indiqué le ministre dans un communiqué. Le ministère, excusez-moi. L'analyse de quelques 550 ossements découverts dans ce tombeau situé au nord de la Grèce ne résout cependant pas l'énigme de l'identité des dépouilles qui font l'objet de toutes les spéculations, car le monument funéraire date de l'époque d'Alexandre le Grand, soit de 356 à 323 avant J.C. Au terme d'une progression des archéologues vers le cœur du tumulus, le ministère de la Culture avait fait état en novembre de la découverte d'un squelette. Après examen, ce sont finalement 5 personnes au moins qui reposent dans le monument. Un seul crâne a été découvert en assez bon état. Il appartient avec certitude à la dépouille d'une femme qui était âgée de plus de 60 ans, dont la taille est estimée à 1,57 mètre. Les restes des deux hommes de 35 et 45 ans, mesurant 1,68 m et 1,62 m ou 63 m, ont également été reconstitués. L'un d'eux portait des traces d'une blessure infligée par un objet tranchant et les deux autres dépouilles sont celles d'un nouveau-né et probablement d'un adulte, les autres ce dernier étant les seuls à présenter des traces d'incinération. D'autres analyses essaieront notamment de déterminer le type d'alimentation des défunts ou l'existence d'éventuelles pathologies. Des comparaisons d'ADN devraient être également menées sur l'une des trois dépouilles, les autres étant trop incomplètes afin d'étudier une possible parenté entre eux. Là, la disposition dans laquelle les os ont été trouvés prouve qu'ils ont été bougés, précise le communiqué, confirmant l'hypothèse selon laquelle la tombe a été profanée. Très peu de reliques précieuses ont été trouvées dans les chambres funéraires. Ces annonces posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, à commenter auprès de l'AFP Michaelis Trivorio, professeur d'archéologie à l'Université de Thessalonique. Pardon. Et là, finalement, le tumulus d'Amphipolis, à une centaine de kilomètres de Thessalonique, est enserré dans une enceinte de marbre de 500 mètres de circonférence et mesure 30 mètres de hauteur. C'est l'ouvrage pour la construction duquel fut utilisée la plus importante quantité de marbre jamais employée en Macédoine antique. La colline est connue par les archéologues depuis les années 60, mais l'enceinte n'a commencé à être mise à jour qu'en 2012, avant que les chercheurs commencent l'été dernier leur progression vers le cœur de la tombe, gardée par deux imposants sphinx et des cariatides de plus de 2 mètres. Depuis le début des fouilles, différentes hypothèses sur les personnes inhumées circulent. Roxane, l'épouse perse d'Alexandre le Grand, Olympia, la mère du roi ou un de ses compagnons, et généraux. Les chances que le tombeau soit celui d'Alexandre lui-même paraissent quasi nulles. À sa mort, à 32 ans, à Babylone, sa dépouille aurait été inhumée en Alexandrie, en Égypte. Et là, si ça vous intéresse, eh bien, sur le même article, il y a une série de trésors qui ont été retrouvés. Vraiment, c'est à voir un top 10 vraiment extraordinaire. Peut-être que je vous le ferai un de ces quatre. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le moment d'accueillir Justine Renaud. Voici Justine Pertine. On s'était ennuyé de cette chanson, non? Hein? Ça faisait quoi, un mois? Ah, ça faisait longtemps. Ah, j'en ai des frissons. C'est parce qu'il fait froid, probablement. Tu t'en es tiré l'élastique tellement que tu l'as pété, tellement que... C'est pas moi qui ai pété l'élastique du micro. Non, hein? Non. Je suis pas responsable. Moi, je fais tomber les micros parce que les vis sont slack. Une vis slack. Une slack. Mais est-ce que c'est le froid qui cause ça, tu penses, des élastiques cassés? On sait pas, c'est ta thématique d'aujourd'hui, le froid. En fait, je vais vous dire, c'est probablement parce que dans la pièce qui est assez petite, il y a des ordinateurs, puis aussi d'autres, dans le fond, des appareils électroniques qui créent à la fois de la chaleur et aussi un peu d'ozone, toutes sortes de choses qui font vieillir les élastiques. C'est sec, hein? C'est sec. Ça rend les choses secs, mais ça fait vieillir prématurément tout ce qui est en caoutchouc. Ça, okay, pour dire que... Donc moi, je suis correct. Ça dépend. On parle de ton tailleur? S'il te plaît, non. J'aimerais mieux pas. Stéphanie! Non, mais c'est correct. C'est pas fin, ça. C'est pas fin. C'est correct. S'il est type, il pète, il n'aura non, plus. Il va tout craquer, ça va être dégueu. Mets-toi de la crème. Oh, mets-toi de la crème. Je pensais pas vivre ça à matin, moi, là, des commentaires sur mon blog. Mais aujourd'hui, on va pas parler du tout d'élastique, de micro, de radio. Non, non. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'il fait froid et, en fait, des règles qui font en sorte qu'il fait froid dans la nature. Ce sont les lois de la thermodynamique classique. Oh, OK. Si. Donc, si, brin d'acier. Comme non, la princesse. Si, ouais. Non, la princesse, si, Colin. Colin. T'as le groupe de musique CCR. CCR, oui. Probablement. Pas rapport. Aucun. Bon. Or, pour nous garder au chaud, on va parler de thermodynamique ce matin, mais attachez votre tuque, littéralement, parce qu'on a vraiment de la matière à voir. Tu l'as gardé d'ailleurs sur ta tête, c'est justement pour ça. C'est vraiment important. Je vous le dis, là, vous allez, votre brain va fryer, pour dire ça en très, très bon français. Ouais. Fry the brain. La thermodynamique, qu'est-ce que ça vous évoque en premier lieu? Thermodynamique, donc un peu les relations entre la température et son environnement. Essentiellement, la thermodynamique, c'est la branche de la physique qui étudie les transferts d'énergie entre systèmes sous forme de chaleur et de travail. Là, quand on parle de travail, on parle pas de votre job de 8 à 4 chez Service Canada à répondre au téléphone. On parle du travail... C'est précis un peu, je trouve, comme exemple. Ouais, non, mais je vise une certaine population de personnes qui répondent au téléphone et qui sont très patients avec certaines personnes. Je vous lève mon matuc. Merci de faire ce travail et de répondre aux chialots au téléphone. Merci de nous avoir téléphoné. Votre appel est important pour nous. Ben, oui, parce que sinon, il n'y aura pas de job. C'est bon. Ça. Le travail, hein? Celui dont je parle, c'est le travail physique. On qualifie plutôt comme les changements mécaniques qui sont perceptibles suite à un transfert d'énergie. Par exemple, lorsque votre essence dans votre moteur explose, ça fait bouger des pistons, des affaires, en tout cas, bref. Ouais. En bout de ligne, là, vous avancez. Ou vous reculez si vous vous êtes mis sur... Sur reculons, recule, ouais. Reculons, hein? Ouais. En fait, l'étude de la thermodynamique a pris son envol d'une très drôle de manière et je vais vous conter l'histoire, hein? Parce que c'est très drôle. Bon. Il était une fois un monsieur appelé Otto von Guericke. Super de beau, non? Sa mère l'aimait pas. Japonais ou allemand? Ben, c'est deux véhicules, commencer une auto et une van, tu sais. Otto von Guericke. Otto von. Puis. Guericke. C'est ça. Donc, monsieur Guericke, qui. En 1650, voulait prouver qu'Aristote avait tort quand, plus de 300 ans avant Jésus-Christ, celui-ci stipula que la nature a horreur du vide. Guericke s'est dit « Aristote, t'es un gros menteur, je vais te prouver que le vide peut exister. » Donc Guericke a consacré comme genre sa vie à invalider cette hypothèse d'Aristote, fallait être motivé, et donc il a inventé la pompe à vide. La pompe à vide en 1650. Ça existait chez Canada. C'est l'ancêtre de la bande à vide. La bande à vide. La bande à vide. La vidéo. Le dessin animé. C'est vraiment mauvais, ça. Non, hein, c'est bon. C'est pas avec un ornithorynque et tout ça. La bande à vide. Ça, là. Hein? Guericke, notre inventeur de dans le fond, de pompe à vide, il l'a créé. Il a créé du vide. Il a invalidé l'hypothèse d'Aristote du même coup. Puis ça, ça a suscité l'intérêt de physiciens un peu plus tard, notamment Robert Boyle et Robert Hooke, un duo de Robert, ça tombe bien. Les deux ont remarqué une relation entre... C'est une petite bande de Robert. Une petite bande de Robert. Faut faire attention parce que dans un studio comme ici, ça se pourrait qu'il sèche puis qu'il craque. Ah, comme mon ventre. Ah, comme des tailleurs. Les deux Robert ont remarqué une relation entre la pression, la température et le volume d'un gaz, ou dans ce cas-là, de l'air, ou l'absence d'air. D'ailleurs, c'est à partir de ces observations que la fameuse loi de Boyle a été postulée. Celle-ci disait que la pression et le volume d'un gaz à température constante sont inversement proportionnels. Donc, que plus qu'une quantité fixe de gaz prend du volume, hein, moins la pression est grande. Fait que, mettons qu'on a une balloune avec une quantité X de gaz, si elle est petite, cette balloune-là, ça veut dire que la pression en dedans est très, très grande, tandis que si la balloune, on met la même quantité d'air, mais que la balloune est slack, bien, la pression est beaucoup moins grande. Il y a plus de place pour l'air à circuler, dans le fond. Hein? Mm-hmm. Ça marche-tu dans votre tête? Oui. Bref, tout ça pour dire que c'est à partir de là que la thermodynamique vit le jour, à partir d'une pompe à vide, de deux Robert, puis de ces constats-là, dans le fond. D'autres gens, après, se sont amusés à faire chauffer des trucs dans des espaces clos, un petit peu dangereux, causant une accumulation de gaz dans un volume restreint. On s'est rendu compte que la température de ces gaz sous pression augmentait et que cette pression pouvait servir à accomplir un travail mécanique, comme je vous ai dit, par exemple, dans le cas du moteur à essence. D'où les premiers moteurs à vapeur, parce qu'avant ça, on n'avait pas l'essence, puis Ford n'était pas né. C'est quand même une bonne raison. Ouais, une bonne excuse. Ford n'était pas né, l'inventeur du moteur à combustible. Ford n'aurait pas ambitionné. Est vraiment bonne. Merci. Donc, les premiers moteurs à vapeur. Hein? Et là, c'est là que rentre en jeu celui qu'on considère comme le père, the padre de la thermodynamique. Je commence à apprendre l'espagnol en passant. Bravo! Padre. Hein? Padre de famille. Non, ben, je ne sais pas s'il était père de famille, mais son nom, c'était Sadie Carnot. Ah. Je trouve ça cute comme nom. Hein? Ce fut le premier à conceptualiser l'idée du réfrigérateur dans les années 1800. Mais là, évidemment, ce n'est que bien plus tard qu'on verra le bon vieux fridge faire son apparition. Lui, il a juste dit une machine idéale, c'est une machine qui est capable de prendre du chaud, de transformer en froid et en absence comme de travail mécanique. En tout cas, bref, c'est un peu bizarre. Là, je ne rentrerai vraiment pas dans les détails de Sadie Carnot et ses travaux. Ben, c'est des détails un petit peu trop. Comment il s'appelle? Sadie Carnot. Est-ce que tu penses qu'il faisait des ongles Carnot? Ok, c'est vraiment. Ou est-ce que tu penses qu'il mangeait dans son réfrigérateur? Est-ce que tu penses qu'il y avait du chili con Carnot? Chili con Carnot. Mais non, il n'y en avait pas de réfrigérateur, c'était dans sa tête. Ah, ouais, mais c'était dans sa tête. Exactement ce que tu dis. Tout ça, il l'a mis en concept, mais il n'y avait comme évidemment pas les outils pour faire en sorte que ça se concrétise, cette histoire-là. Mais plus tard, bon, on a eu des réfrigérateurs, autre chose qu'une boîte avec une grosse glace dedans, que je comprends pas comment ça fonctionnait, les fridges dans ce temps-là. En tout cas, c'est pas ça. Aujourd'hui, on parle de thermodynamique. C'est de là que ça part, de M. Sadie Carnot en 1800 quelque. Bon, là, vous vous dites, c'est bien beau l'historique de la thermodynamique, mais à part étudier les transferts d'énergie et chaleur et en travail, c'est quoi concrètement la thermodynamique? Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il existe quatre lois de la thermodynamique. en commençant par la loi zéro, parce que la personne, elle ne savait pas compter. Okay. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait la première loi, la deuxième loi, puis après ça, on a donné la troisième loi, puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais avant tout ça, ce serait important qu'il y ait une loi avant, puis c'est la zéroième loi de la thermodynamique, elle est venue comme en dernier. Puis tu mets quoi à la fin comme petite lettre en haut, c'est comme en anglais, zeroth? Ouais, c'est zeroth. Z-word. Non, c'est zeroth. Zeroth. Ça sonne quand même cool, zeroth, the zeroth law of thermodynamics. On dirait méchant dans Mortal Kombat, le zeroth. Ouais. I'm zeroth. Ouais. Ouais. Sudden death. Bon. Finish it. Finish it. Je suis pas capable, j'ai pas assez. Donc, la zéroième loi de la thermodynamique classique dit ceci. Si un corps A, ça c'est pas obligé d'être un corps humain, s'il vous plaît. Si un corps A est en contact direct avec un corps B et que le corps B est en contact direct avec un corps C, vous me suivez là? C'est pas trois. Yves Corbeil, je pense. C'est pas trois. Et que le corps A est à une température X, le corps B va éventuellement devenir à la température X et le corps C, lui, avec, parce qu'ils sont en équilibre thermique. OK? Uh-huh. Concrètement, là, vraiment très, très, très concret, c'est le principe du café frette. Ah, OK, hey, oui. Vous avez un corps A, l'atmosphère ambiante qui fait frette dehors à moins 20. Vous avez le corps B, qui est votre tasse de café, et vous avez le corps C, qui est votre café. Tu sais, c'est pour café. Hein? Ils ont tous pensé à ça. L'atmosphère ambiante est à moins 20 degrés Celsius parce qu'on est au Québec et qu'il fait frette. Votre café, lui, est pour le moment beaucoup plus chaud. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que l'atmosphère à moins 20 va refroidir votre tasse, car ils sont en contact direct, et parce que votre tasse est directement en contact avec votre café, bien, le café va refroidir lui aussi. Ouais. C'est vraiment un principe d'équilibre thermique. Là, vous allez me dire, mais pourquoi mon café, il réchauffe pas l'atmosphère? Ouais. Pourquoi c'est l'atmosphère qui refroidit mon café? Parce qu'il est petit, ton café. Ça doit être la quantité. Ouais. Ben, exactement. Dans le fond, votre café réchauffe l'atmosphère. Oui, votre café réchauffe un peu l'atmosphère. Sauf que... Même un gros format, là. Oui, oui. Même un gros format chez... Venti chez Starbucks. Venti. Quand on peut s'entendre pour dire que l'atmosphère peut accommoder beaucoup plus de chaud, hein, puis que le chaud là, de votre café va se répandre pas mal partout loin. Mm-hmm. Donc, la somme, dans le fond, de l'augmentation de chaleur est répartie sur une tellement grande... dans un tellement grand volume que, dans le fond, il n'est pas perceptible. Tandis que votre café, qui est tout petit, peut accommoder très peu de changements de température, fait qu'on le perçoit vraiment, là. Mm-hmm. Votre café, il refroidit, votre café, il est froid, parce que votre café, c'est pas une piscine de café. Hein? Si seulement. Hein? Si seulement. Donc, c'est ça, la zéroième loi, c'est le principe du café frais. Retenez ça. C'est fort, ça. Tu vois, la vulgarisation encore. Ouais. C'est bon, ça. Passons maintenant à la première loi, hein, la première qui a vu le jour. Celle-ci dit dans un système fermé que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Ça, vous l'avez déjà entendu à un paquet de places. Ouais, ouais. Au début du Big Bang, on avait X quantité de matière et d'énergie. Ben, croyez-le ou non, aujourd'hui, on a encore la même quantité de matière et d'énergie qu'il y a 13 milliards d'années. Sauf que la matière et l'énergie se transforment continuellement. Concrètement, vous avez une voiture. On va prendre l'idée de la voiture. Sauf que Mathieu, lui, il n'y a pas de voiture. Fait que tout le monde a donc une voiture, sauf Mathieu. On sait qu'il y a un pneu, par contre, hein? Oui, un pneu de secours. Lorsqu'on met de l'essence dans la voiture, rapidement, on s'aperçoit qu'il faut en remettre. Hein? Oui, vite, en date d'une semaine, deux semaines. C'est pas parce que l'essence disparaît, mais parce qu'elle est convertie en autre chose. Elle se transforme. D'une part, on parle d'une plus grosse... D'une part, on part d'une grosse molécule, l'octane, donc votre essence, qui, en explosant dans le moteur, se transforme en vapeur d'eau et gaz plus ou moins toxique pour différentes personnes et ou sphères et ou écologies et tout. Cette transformation de la matière en d'autres genres de matière est également accompagnée par un relâchement d'énergie qui était au début présente dans la grosse molécule d'octane. La grosse molécule d'octane est comme à de l'énergie, mais quand elle est toute scindée en petits bouts de molécules autres, ben elle perd cette énergie-là parce que ces petites molécules-là, ils ont moins de place pour stocker cette énergie-là. Mais où est rendue cette énergie? Elle ne s'est pas volatilisée, mais plutôt elle s'est transformée en chaleur et en travail mécanique pour faire avancer votre auto. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la première loi de la thermodynamique classique. Pas pire? Mm-hmm. Pas pire. Mm-hmm. On va passer maintenant à la deuxième loi de la thermo. Hmm? Celle-ci stipule que l'entropie, hein, entropie d'un système fermé augmente sans cesse. Mais qu'est-ce que l'entropie, vous allez me dire? Qu'est-ce que l'entropie? L'entropie est un terme qu'on utilise en physique pour désigner le chaos, hein, ou la dissipation de l'énergie et la désorganisation de la matière. Donc, si on reformule brièvement, dans un système fermé, mettons l'univers est un système fermé, le chaos tend à croître continuellement. Donc, il y a de plus en plus de bordel dans l'univers. Ouais. La chambre d'un adolescent en est le parfait exemple, puisque le bordel de la puberté n'a pas de limite. Ça sonne un peu bizarre ce que je viens de dire. Blague à part, l'entropie ou le chaos augmente sans cesse. Pourquoi? Parce qu'afin de garder une chambre propre, il faut y mettre de l'énergie. Hein? Ça implique un coût énergétique que les ados n'ont pas. La nature est faite de telle sorte qu'elle n'investit pas d'énergie à faire le ménage dans sa chambre. On peut observer ce phénomène à chaque jour en constatant que l'énergie thermique, ou la chaleur, ne va jamais, jamais, jamais spontanément se diriger d'un milieu froid vers un milieu chaud. Hein? Quand j'ouvre la fenêtre chez nous et qu'il fait moins 20 dehors, c'est pas vrai que le peu d'énergie thermique qu'il y a dehors va rentrer dans ma maison pour me réchauffer davantage. Hein? Non, non. C'est l'énergie thermique de ma maison qui va sacrer son camp par la fenêtre vers un milieu plus froid. C'est selon l'ordre de la nature. Hein? Hydro-Québec sont dans le coup avec ça. Si on voulait faire l'inverse pour sauver sur notre compte d'hydro, donc pour que l'énergie thermique quitte un milieu froid pour aller vers un milieu chaud, il faudrait investir une énergie considérable. Parce que c'est pas rentable, la nature a dit « non ». Ouais. Et elle dit « non ». Pas d'accord. Pas d'accord. Le conseil d'administration s'est statué que non. Donc, tout tend vers le bordel, le chaos, la dissipation d'énergie et la désorganisation de la matière par le fait même. C'est pas clair, mais c'est ça, l'entropie. Ça reste ça, oui. Finalement, la troisième loi, très brièvement, de la thermo classique, elle dit que plus il fait fret, plus l'entropie ou le chaos d'un système est bas. On peut voir ça ici, hein? À moins 273,15 degrés Celsius ou au zéro absolu qui est 0 degré Kelvin, il n'y a pas plus froid que ça, hein? L'entropie du système tend vers zéro lui avec. C'est facile à s'imaginer quand même. On a des molécules qui sont exposées à une température de moins 273 degrés, c'est-à-dire l'absence totale d'énergie thermique. Donc, elles n'ont pas de chaleur. Elles ne sont pas de la chaleur, évidemment. Elles n'ont pas de chaleur. Et elles ne peuvent pas vibrer parce que ce qui fait en sorte que les molécules vibrent et nous donnent cette sensation de chaleur, c'est l'énergie thermique. Les molécules sont donc littéralement figées comme des popsicles. Impossible pour elle de bouger le moindrement. Il n'y a pas plus rangé comme système, donc il n'y a pas de chaos. Hein? Plus il fait froid, moins il y a de chaos. Sauf que, en bout de ligne, pour obtenir ce zéro absolu, c'est très, très, très, très, très, très, très difficile. Ça prend des montants énormes d'énergie et ça vient juste comme confirmer la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que l'entropie d'un système fermé tend à augmenter continuellement. Hein? Eh bien, c'est ça, la thermodynamique. Wow. J'ai pas besoin que vous vous souveniez vraiment, dans le fond, là, de 1, 2, 3, 0, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en gros, vous savez un peu pourquoi, tu sais, pourquoi il fait froid. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est capable d'obtenir un travail mécanique à partir de quelque chose qui n'était pas censé faire un travail mécanique, hein? Et pour ça, je peux vous accompagner. Ben, la chanson va vous accompagner. Moi, je vous accompagnerai, mais je vous accompagnerai pas. Tu vas chanter dessus, mais en ronde. Ouais, ça me tente pas. On peut aller écouter la chanson. Bon, elle s'intitule Kids de Our Book and the Authors, mais moi, je l'aurais intitulée plus genre It's Cold Outside. Hein? On va parler de comment il fait frais dehors, puis comment les lois de la thermodynamique font en sorte qu'il fait tout le temps plus froid. Hein? Je vais vous laisser en juger par vous-même. Justine Pertine, tout le temps, tout le temps. Assez fou, 89 fois. It's cold outside. Anyone? Cause it's cold outside, cause it's cold outside, cause it's cold outside, it's cold outside, it's cold outside, it's cold outside, it's on gèle, décembre est une nuit insensée. La terre brûlante dans nos feux, cette misère a brûlé. Au Moyen-Orient, on tire à vue sur les tapis volants. L'Afrique est matricule la ziblime, l'excluant du coup de la famine. L'Amérique le plus belle, c'est digne d'un chien fouillant les poubelles. Il fait froid, on gèle, et pas que l'hiver qui est cruel. Farine à la pelle, poudrerie et même Grésil. On a de la mer que le sel et une vague du Brésil. Dis mon frère, dis-moi la cicatrice que t'as au bras. Est-ce le fruit du hasard ou d'une agression tard le soir? Ou est-ce qu'à la sortie du métro, un con a braqué son couteau? Scalpel, juste ciel, y'a pas que l'hiver qui est cruel. Si le temps suit son cours, et j'ai bien peur qu'il le suivra, on ne fera plus de l'amour que notre sujet plus délicat. On ira ce qu'il y a de guerre, ce qu'il y a de sang et de misère. Chanteront les canaries pour enterrer, oui, l'artillerie. Mais pire que le mal de voir, c'est cautionner le censeur et croire qu'en vérité, toute vérité n'est pas bonne à savoir. Il fait froid, on gèle, y a pas que l'hiver qui est cruel. Termine souvent au lit et que d'autres ont bien plus de chance, trépasse de rire ou de jouissance. Mais pire que la mort qui vient, c'est l'amour qui ne vient jamais. Prends tes ailes, serre-toi d'elle et tire-moi de ce bordel. Où il fait froid, où on gèle, où y a pas que l'hiver qui est cruel. Il fait froid, on gèle, où y a pas que l'hiver qui est cruel. I don't wanna leave you now. C'était Cold Front de Laura Welsh. Juste avant, on entendait mon préféré québécois, Daniel Bélanger, avec Cruel. Il fait froid. Un habitué de la chronique, mettons. Un habitué de la chronique, il sait pas, mais on joue tout le temps. Un jour, je l'ai déjà rencontré. Un instant. Avant ça, la première chanson qu'on a entendue, Kids de Our Book and the Authors. Tout ça pour agrémenter ma chronique Justine Pertine, qui aujourd'hui traitait de la thermodynamique classique et de ses lois et de comment il fait froid d'or, dans le fond. Et oui, c'est ça, Daniel Bélanger. Je vous ai jamais conté cette histoire-là de comment je l'avais rencontré cet été. Il est venu jouer, je pense, dans un parc à Verdun, quelque part à Montréal. Bref, j'étais à Trois-Rivières. Moi et deux amis, on était deux, oui, il me semble. Oui, on était deux. On est allé voir Daniel Bélanger et on connaît toutes les paroles par cœur, surtout de la chanson « Parapluie ». Tu sais, le parapluie. « Ah, mon parapluie! » Ça, cette chanson-là. Un moment donné, dans la chanson... « Umbrella, Ella, Ella. » Non, c'est pas hey, ça. « Hey, hey, non? » Non, mais c'est genre... dit... ah, je chanterai pas, là, mais à un certain moment donné, dans la chanson, il dit... pourquoi j'ai un blanc? Il dit que, dans le fond, qu'il est une coche au-dessus d'une poire, dans le fond, qu'il sait rien, en fait presque rien, je suis une coche au-dessus d'une poire, OK? Puis cool. Au moment où il dit une coche au-dessus d'une poire, il a arrêté de chanter, il a juste arrêté, puis moi et les deux autres, on a crié « Une coche au-dessus d'une poire! » Fait que là, à la fin... À la fin, on est allé le voir backstage. Et, parce que moi, j'étais un peu groupie dans la vie, surtout de lui qui a l'air un petit peu d'une femme âgée avec des cheveux gris. Il a quand même un peu de l'air de ça. Mais il était super sympathique. Et je lui ai dit, en lui serrant la main, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé votre salade de fruits. Vous êtes plus qu'une coche au-dessus d'une poire. Oh, c'est cute. En tout cas, j'ai dit des niaiseries essentiellement. Là, Et il ressemble un peu à Marie Laberge. On sait toujours. Excuse-moi. C'est le... je me suis emporté, mais wow. À Marie Laberge. Hey, c'est fin. Ouais. Puis il était tout étonné qu'on vienne de Trois-Rivières pour aller le voir. Ouais. C'était super bon son spectacle. Un moment donné, il racontait l'histoire des orgues. Comment les orgues, il y en a un qui a immigré à Laval. Puis que depuis ce temps-là, les orgues se sont multipliés. Il y en a, mais à l'orgueil. À l'orgueil. Ah! En tout cas, bref, il y a un tremblement de terre. C'est un orgue, je pense, qui passe devant le studio. C'est ça. Il faut livrer un autre orgue. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est le roi comme... lion, hein, c'est avec les orgues à la place des lions. Okay. Il a parlé pendant 10 minutes de l'histoire des orgues, mais complètement on top of his head. Il a complètement inventé ça de toutes pièces. C'était savoureux. Wow. C'est ça mon histoire avec Daniel Bélanger. C'est cool. Mon amour pour le fils de Marie Laberge. Oui. Fils le look-alike. Mm-hmm. C'est pareil à la naissance. Merci Justine Renaud. Oh, ça m'a fait plaisir. T'es fine. Puis on te retrouve dans deux semaines. Absolument. Pour Justine Percy. Hey, savez-vous quoi? Il y a autant de trafic à 8 heures. Ah, fait que ça change rien. De 8h à 8h30. Ben non, c'est mieux, là. Mais je veux dire, à la place de me prendre 45 minutes, ça me prend une demi-heure. Okay. Faire un trajet qui devrait me prendre 17 minutes. Ouais. On a changé la case horaire de Justine, pour ceux qui n'ont pas remarqué, parce que ça fait comme un mois qu'on n'a pas eu de chronique, de toute façon. Excusez-moi, la semaine dernière, j'étais à Ottawa, puis la semaine d'avant, je n'existais pas. Ah, t'étais pas née? Non, j'étais juste trop dans le jeu avec des... Une semaine était pognée, une semaine était pas née. Ah. Puis une semaine est taponnée. Je suis taponnée. C'est cette semaine que je suis taponnée. Je pense que t'es dû pour être taponnée. 9h30, tantôt. Non, la chronique revient la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Dans deux semaines, excuse-moi. Dans deux semaines. Merci, Justin. Si, senor. Caliente. Bye. Repose en paix. Ça s'en retourne mourir pour renaître plus tard parce que rien ne se perd, rien ne se quitte. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Je vous parle des 14 aliments que vous entreposez sûrement de la mauvaise façon. Premièrement, les noix. Hein? Ce qui est conseillé, les noix, on les conserve au réfrigérateur. Ce qui est déconseillé, c'est le garde-manger. Conservez les noix dans un sac refermable ou un contenant placé dans le réfrigérateur. Leurs huiles naturelles deviennent vite rancies à la température de la pièce et prennent alors un goût amer. Un environnement frais et sec ralentit le processus et elles peuvent ainsi être conservées pendant plus d'un an. Donc, les noix... Puis moi aussi, hein, on les met tous et presque tout le temps dans les garde-manger. Non, on met les noix dans le congélateur, pas dans le congélateur, dans le réfrigérateur. Sinon, les œufs. Ce qui est conseillé, bien sûr, c'est le réfrigérateur, mais dans l'étagère du milieu. Ce qui est déconseillé et ce que la plupart du temps on fait, et les constructeurs nous ont même habitués à le faire, c'est la porte du réfrigérateur. C'est déconseillé. Donc, placez les œufs dans la partie la plus froide du réfrigérateur, soit l'étagère du milieu. Même si la porte du réfrigérateur est une partie faite expressément pour les œufs, la température à cet endroit varie trop au goût des experts. Autre truc, la farine. Eh bien, la farine, eh bien, ce qui est conseillé, c'est de la garder dans le congélateur. Ce qui est déconseillé, c'est dans le garde-manger. Pour un entreposage à long terme, pendant plus de 3 mois, placez directement au congélateur. Un garde-manger frais et sec est parfait pour un usage à court terme entre 1 et 3 mois. Sinon, les graines de lin. Eh bien, ce qui est conseillé, les graines de lin, c'est le réfrigérateur. Un peu comme les noix, hein? Déconseillez le garde-manger. Réfrigéré dans un contenant scellé et opaque jusqu'à 90 jours, les graines de lin peuvent ainsi durer plus d'un an. Attends un peu. Réfrigéré, dans un contenant scellé et opaque jusqu'à 90 jours, les graines de lin peuvent durer jusqu'à un an à la température de la pièce. Mais pourquoi qu'on nous dit que ce qui est déconseillé, c'est le garde-manger? Et dans les conseils, là, ça marche pas le conseil ici, parce que conseiller, c'est le réfrigérateur, et on les garde pendant 90 jours. Et sinon, dans le déconseillé, on peut les garder jusqu'à un an à la température pièce. Question, c'est un mystère, on n'a pas de réponse. Les graines de lin, achetez-en pas finalement. Ben non. Mais saviez-vous, les graines de lin, là, quelque chose qui est magique, et tout ça, c'est pas inscrit là-dedans. Ma grand-mère, moi, c'était un petit truc qu'elle nous donnait. Quand t'as une graine dans l'œil, quand t'as quelque chose qui te rentre dans l'œil puis que t'es pas capable de l'enlever, vraiment, quand c'est, tu sais, t'as une poussière, un grain de sable, quelque chose du genre, eh bien, on se prend des graines de lin, OK? On met ça dans notre œil, tout simplement, une ou deux graines de lin, on met ça dans notre œil, on ferme l'œil et on tourne, on regarde dans toutes les directions, l'œil fermé, on se promène comme ça, eh bien, la petite graine qui est faite de manière plate nous fera pas du tout mal à l'œil et puis va ramasser la petite poussière. Je vous le dis, c'est un truc de grand-mère qui fonctionne à merveille. Sinon, dans nos trucs, comment entreposer nos aliments, je vous parle des pommes de terre. Ce qui est conseillé, c'est le garde-manger. Et ce qui est déconseillé, bien sûr, c'est le réfrigérateur. Et ça, on le sait. Les pommes de terre, on les garde dans un sac en plastique, moi je vous dirais plutôt dans un sac de papier perforé, mais l'important c'est l'abri de la lumière, éviter les coins les plus chauds de la cuisine, sous l'évier c'est pas une bonne idée, au-dessus du four non plus, près d'une fenêtre c'est pas une bonne idée, le froid transforme l'amidon en sucre, vous laissant une patate décolorée et étrangement sucrée, tandis que la chaleur, elle, est propice plutôt à faire germer votre patate. Donc dans le noir, au frais et sec. Sinon, bien sûr, les tomates. Moi, ça me fait tout le temps rire des gens qui mettent des tomates dans le réfrigérateur. Même ma copine faisait ça. Moi, je peux pas comprendre. C'est sûr que si tu mets les tomates dans le réfrigérateur, c'est parce que t'aimes pas les tomates. Ça, c'est sûr. Le conseil, bien sûr, pour garder les tomates, c'est le comptoir. Déconseiller à tout prix le réfrigérateur. Arrêtez d'exposer vos tomates au froid. Laissez-les plutôt à la température de la pièce, loin de la lumière du soleil. Elles perdent leur saveur et leur eau au réfrigérateur. Elles viennent tout molles puis dégueulasses. Pour un entreposage à court terme, placez-les dans un sac en papier dans la partie la plus froide de la cuisine. Hein? Sac à papier dans le noir le plus possible et frais. Pas froid, frais. Sinon, nos oignons, les bons oignons. Hein. Ce qui est conseillé, c'est le garde-manger. Bien sûr, encore là, mettez pas vos oignons dans le réfrigérateur, come on. Entreposez les oignons non pelés dans un endroit frais, sombre et sec avec une bonne circulation d'air. Pas des maudits sacs de plastique. Puis les tomates, même chose. Hein. On a beau les mettre sur le comptoir, c'est correct, mais pas dans un sac en plastique. Vous les achetez dans le petit sac là, de l'épicerie. Enlevez-moi ça. Mettez ça dans une boîte en carton ou un sac en papier brun. Là, c'est l'idéal. Donc, c'est ça, frais, sec, bonne circulation. Refroidissez un oignon 30 minutes avant de le couper pour éviter les larmes. Ah, mais ça, moi, je vous dis juste, ayez des bons couteaux, là, puis vous allez moins niaiser sur vos oignons, puis ça se garde bien. Le basilic, eh bien, conseillé, c'est un endroit humide et frais. Ce qui est déconseillé, c'est un endroit froid et sec. Donc, voici les deux méthodes les plus recommandées pour conserver le basilic. 1. Envelopper les tiges dans une serviette en papier et placez-les dans un sac en plastique. Placez le sac dans le bac à légumes ou dans la porte du réfrigérateur. Deuxième façon, c'est couper les tiges comme des fleurs et placez-les dans une cruche d'eau, envelopper légèrement dans un sac en plastique et laissez sur le comptoir, simplement. Moi, j'aime bien cette façon. Sinon, les concombres. Hein. Ce qui est conseillé, c'est le comptoir. Déconseillé, le réfrigérateur. Conservez les concombres à la température de la pièce pour éviter les engelures et ralentir le pourrissement. Ne pas conserver près des bananes ou des tomates qui dégagent un agent de maturation qui est appelé le gaz éthylène. Donc, les concombres, ça aussi, on essaie de mettre ça au comptoir, mais frais quand même. Hein. Ben, température pièce. Sinon, le céleri, on conserve ça comment? Ce qui est conseillé, bien sûr, réfrigérateur dans une feuille d'aluminium. Déconseillé, c'est au réfrigérateur dans un contenant ou dans une pellicule de plastique. On vous le vend pourtant dans une pellicule de plastique. L'idéal, c'est vraiment d'envelopper dans un papier d'aluminium le pied de céleri et le placer dans le bac à légumes. C'est ce que conseille Jack Bishop, le directeur éditorial d'American Test Kitchen. Le papier d'aluminium permet à l'éthylène, qui est produit par les céleris, de s'échapper, explique Jack. Si enveloppé dans du plastique, le gaz reste prisonnier et c'est ainsi que le céleri ramollit plus rapidement et devient moins intéressant plutôt, hein? Si je vous parle de l'ail, eh bien, ce qui est conseillé, bien sûr, ça aussi, hein, c'est le comptoir ou le garde-manger à court terme. Mais si vous voulez garder vos tresses d'ail très longtemps, à long terme, ce qui est conseillé, c'est le congélateur. Totalement déconseillé pour l'ail, et on le sait, c'est le réfrigérateur. L'ail préfère les coins sombres et frais avec une bonne circulation d'air. Conservez-les dans un sac filet ou un panier. Vous pouvez congeler aussi les gousses, même si elles risquent de jaunir, la saveur, elle ne sera pas altérée. Hein? Ça, je ne savais pas. Moi, j'ai jamais fait de congé de l'ail, mais pourquoi pas? Conserver le café, c'est comment? Eh bien, l'idéal au garde-manger tout court ou au congélateur quand c'est à long terme. Déconseillé, c'est le garde-manger, mais à long terme, ou même le réfrigérateur. Conservez les grains de café frais et secs dans un contenant de verre ou en céramique, entreposés dans un coin sombre, loin de la chaleur. Si vous achetez en grande quantité, emballez des petites portions dans des sacs scellés et congelez-les pour en avoir quand on a besoin, on va en chercher. Autre aliment, comment le conserver? Eh bien, c'est le pain. Hein? Ce qui est conseillé, le garde-manger à court terme ou le congélateur à long terme. Bien sûr, hein, c'est dégueu du pain dans le frigo. À moins que vous n'aimiez le pain desséché, conservez le pain dans une boîte à pain sur le comptoir ou dans un sac en papier pour éviter qu'il ne s'assèche. Pour un entreposage à long terme, gardez le pain tranché dans un sac et placez-le au congélo. Et finalement, eh bien, comment conserver les avocats? Eh bien, la façon la meilleure, bien sûr, c'est sur le comptoir et déconseillé, ça aussi, bien sûr, le réfrigérateur. Les avocats ne mûrissent pas au froid. Laissez-les les plus durs à la température de la pièce durant 4 ou 5 jours. Découpez les avocats avec du jus de citron, placez-les dans un contenant scellé et recouvrez d'une pellicule plastique puis rangez au réfrigérateur pour une journée, mais pas plus. Et moi, je pensais qu'on donnerait le truc aussi pour les conserver quand on en prend juste une moitié d'avocat. Eh bien, on le sait comment on coupe un avocat. Là. On le coupe comme sur le long, on enlève la première partie et puis il reste une partie avec tout le noyau. Eh bien, gardez ça comme ça. Pour la conserver, si vous voulez l'utiliser pour un usage futur, parce que le noyau va empêcher que l'avocat ne se perde. Vraiment, de petites astuces très, très pratiques ici. Et justement, on avait un article, on va laisser faire le reste, mais moi, je vous dis, c'est vraiment un article plus qu'intéressant. Allez voir ça via la page Facebook du Dîner de cons. Sinon, l'article nous vient du Huffington Post. Alors, vous pourrez le retrouver. L'article s'appelle « 14 aliments que vous entreposez sûrement de la mauvaise façon ». Maintenant, on s'en va ici avec 10 choses que vous devez absolument savoir sur Toy Story. On commence tout de suite. Premièrement, tu es un jouet, intitulé You Are a Toy, et la première ébauche de Toy Story, qui était bien différente du film qu'on le connaît aujourd'hui. L'histoire ne suivait ni Woody, ni Buzz Lightyear, mais plutôt Tiny, la vedette du court-métrage d'animation Tin Toy de Pixar, paru en 88. Égaré durant un voyage, le jouet s'y liait d'amitié avec une marionnette de ventriloque qui l'aidait à finalement se trouver un nouveau foyer. Au sujet de Buzz, eh bien, originellement appelé Lunar Larry, Buzz Lightyear doit son nom à l'astronaute américain Buzz Aldrin. Pixar souhaitait que Jim Carrey prête sa voix au personnage, mais l'acteur était hors de prix pour le modeste 30 millions de dollars que disposait la production. On a donc proposé le rôle à Billy Crystal, qui l'a refusé, qualifiant sa décision de la plus grande erreur de sa carrière après avoir vu, bien sûr, le film. C'est un film génial, hein, Toy Story. Au sujet du réparateur de jouets, bien avant qu'il ne se fasse connaître avec Buffy, Firefly, Agent of S.H.I.E.L.D. ou les Avengers, l'auteur et réalisateur Joss Whedon pratiquait le métier de script doctor. Suite au rejet du scénario de Toy Story par Disney en 1993, qui trouvait Woody beaucoup trop antipathique, on fait appel au service pour écrire le film et c'est à lui qu'on doit entre autres le personnage du dinosaure Rex. Et ce qui a rapport au jeu d'acteur dans Toy Story, eh bien, c'est par son jeu que John Morris, à peine âgé de 11 ans à l'époque, est parvenu à se démarquer de la compétition et à décrocher le rôle d'Andy dans Toy Story. Mais pas exactement son jeu d'acteur. Pour son audition, le jeune comédien a en effet apporté ses jouets préférés avec lui et s'est contenté de jouer devant les producteurs qui l'ont engagé sur le champ. Autre fait que vous devez savoir absolument par rapport à Toy Story, eh bien que c'est le personnage de Sid Philip, le vilain, le petit gars qui défait tous ses jouets, là, eh bien, est inspiré d'un ancien employé de Pixar portant le même nom de famille. À l'image du jeune voisin d'Andy dans le film, ce dernier prenait un malin plaisir à désassembler tous les jouets sur lesquels il mettait la main, utilisant ensuite les pièces pour fabriquer d'étranges et macabres créations de son cru. Et moi aussi, j'ai fait ça à quelques reprises avec les jouets, autant les anciens jouets de ma sœur que mes propres jouets. Hein, on faisait des genres de créatures hybrides, plantait des vis d'un Barbie, puis on s'amusait avec ça. Sinon, autre truc que vous devez absolument savoir sur Toy Story, c'est qu'apprenant qu'un de ses soldats serait réduit en pièces par Sid, Hasbro refuse que Pixar utilise G.I. Joe dans Toy Story. Persuadé que le film serait un échec, Mattel a de son côté, s'est opposé à l'idylle entre Woody et Barbie, qui sera remplacé par Bo Peep dans la version finale. Devant le succès du long-métrage, la compagnie se ravisera et la célèbre poupée sera présente dans Toy Story 2. Autre fait sur Toy Story, eh bien dans la bibliothèque d'Andy, hein, où on distingue les noms de plusieurs livres, dont Knick Knack, Tin Toy, Red Dream, Luxo Jr. ou encore The Adventure of Andre and Wally B., eh bien, ce sont tous des titres de courts-métrages d'animation qui ont été réalisés par Pixar dans les années 80. Le nom des auteurs, avec celui du réalisateur John Lasseter, est bien en évidence et sont ceux des membres de l'équipe du film. Bien intéressant. Autre fait sur Toy Story, eh bien, Toy Story marque la toute première apparition du camion de livraison jaune de la pizzeria fictive Pizza Planet, qui deviendra en un clin d'œil récurrent des productions Pixar. Non seulement le véhicule apparaît dans toutes les suites du film, mais on peut également voir brièvement dans chaque long métrage d'animation de la compagnie, à l'exception du film The Incredible. Ben oui, un truck de livraison, toujours possible, hein? Autre fait sur Toy Story, eh bien, même si elle est plutôt subtile, il est tout de même étonnant de trouver une référence directe au film The Shining dans le très familial Toy Story. Plusieurs animateurs de chez Pixar étaient de grands amateurs de films d'horreur. Voilà pourquoi le motif du tapis dans la maison de Sid possède une ressemblance troublante avec celui de l'hôtel Overlook dans le classique, bien sûr, de Stanley Kubrick. Et dernier fait que vous devez savoir sur Toy Story, eh bien, c'est que Toy Story est le premier long métrage d'animation, le premier long métrage entièrement fabriqué par un ordinateur avec les moyens techniques de 1995. Il fallait en moyenne 4 heures pour effectuer le rendu d'une seule image. Le film a nécessité quelques 800 000 heures de rendu, donc du render, hein, du process. Et a été réparti sur 117 ordinateurs dans leurs semaines les plus productives, eh bien, l'équipe réussit à compléter un impressionnant 3 minutes et demie d'animation. Vraiment magistral comme travail chez Pixar en 1995. Et puis, quand on regarde ça, ce film-là, là, ça n'a pas pris un ride. C'est génial encore. Très bien fait. L'animation est fluide. Tout est beau. Ça a très, très bien vieilli. Sur ce, eh bien, il est midi 15. On va aller en musique avec la formation Ostra. La pièce que je vous propose, eh bien, est en rapport direct avec Toy Story et Sid, qui était de vilain, hein, le vilain. On s'en va tout de suite écouter cette pièce de Villain, le vilain. Darkness. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Maintenant, c'est le moment d'accueillir Laurent Constantin et sa chronique sur l'actualité internationale. Voici le globe concentré. Ça, en concentré, ça? Le Glorant concentré. Okay. Ça fait Laurent, le Glorant concentré. C'est comme un jeu de mots, mais on lui impose parce qu'il voulait pas de jeu de mots. Le globe en concentré. Ben, mais il avait juste pas choisi le globe en concentré. Il y a ça, par exemple. Town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Fait que là, on a changé le nom de ta chronique, Laurent Constantin, pour le globe en concentré. Ton intro, c'est quand même le loup-garou du campus pour ton ancien titre des chiffons le campus, les voyages au centre du campus. Hein, c'est du work in progress, quand même. Ça, il va une chose à la fois. Comme là, j'arrête ton fond trop pépérant, puis je remets un fond générique. Mettons, ça te va, tu sais, vu que t'es pas aussi lugubre qu'avant. Non. C'est lugubre comme sujet, mais pas obligé d'avoir un fond de film de peur. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose à faire. Pour vous réveiller avec des cauchemars. Uh-huh. En tout cas, on verra ce que ça va donner dans le futur, mais pour l'instant, ce que ça va donner. On sait qu'on parle d'actualité du monde. On a une session au complet pour s'adapter. Là. C'est ça, 4 mois. On a le temps de faire bien des affaires en 4 mois. Tout à fait. En 2 ans, changer 3 fois de chronique. Mettons, t'sais, t'as le temps de faire bien des affaires dans la vie. T'sais. Oui. Donc, actualité du monde dans le globe en concentré. Exactement, t'es bon. Faut que je me le mette en bouche, ça. Le globe en concentré. Une présentation d'une compagnie d'ampoule. Sunbeam. Je connais pas les. Penses-tu? Ouais. Sunbeam. Je sais pas. Ou tu sais. Nos compliments, je suis sûr qu'il y a un fort. Ouais. Rona, sûrement. On pourrait faire comme un RDS, là. Puis l'animateur un peu trop primé, puis il dit en vrac! Ok, j'ai pas les mêmes postes que toi, je pense, sur ma TV. RDS. RDS. Moi, je. Ouais. Bravo. T'as pas de poste sur ta TV. Non, je sais, mais j'essaie de faire l'illusion que. Que j'écoutais pas les mêmes postes que lui. T'as une TV, puis tu mets un écran genre d'ordinateur dedans, là. Puis, j'ai une TV, mais il n'y a pas de câble dedans, ouais, c'est ça. Ouais. Bon. C'est plate. Tellement d'autres choses à faire avec une TV. Tellement d'affaires. Bon, ben, je m'en viens vous parler justement d'actualité internationale. En 2015. En 2015. Okay. Ben, c'est quelque chose qui existe depuis 2002, je vais vous en parler, mais c'est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui que ce l'était il y a 13 ans. 13 ans, ok. Alors, je vais vous parler de Boko Haram. Connaissez-vous Boko Haram? C'est parents avec harakiri, j'imagine? Oui, et... Un bocal. Ouais, un bocal puis Barack Obama. Ouais. Non, c'est un bocal puis un harem ou un harang. Un harang c'est fumé. Un bocal de harang fumé. Ah, délicieux. Bon, quasiment, mais non, pas du tout. Je vais vous admettre ma méconnaissance du sujet. Donc, join the club, hein? Oui. En fait, je connaissais ça. T'sais, on en entend parler, on en jase autour de la machine à café. Sans savoir de quoi. La machine à café fictive, sans vraiment savoir. Boko Haram, je pensais que c'était un homme. Oui, c'est comme l'autre, là. Tu sais, là, l'autre, là. Boukar Diouf. Non, ça, c'est pas l'autre qui avait deux. Boukar Diouf, c'est un homme. Qui avait deux noms de famille, là. C'était pas les politiciens, là. Boutros Ghali. Boutros Ghali. OK. Boukar Diouf. Ah, non. Non. Hein. C'est comme Dieudonné. On l'appelle toujours Dieudonné. Connais-tu son nom de famille? God Giver. Non, c'est genre Dieudonné, Mbala. Genre deux fois le même. Ah, wow. Ouais. Mba, voilà. Donc, non, Boko Haram, ce n'est pas un homme. C'est plutôt le nom d'une organisation, d'une secte ou d'un groupe djihadiste qui a été fondé en 2002 dans le nord-est du Nigeria. Ça, 2002, ça, c'est djihadiste, comme dans Jadis. Djihadiste? Ah, il y a des bonnes blagues à faire autour de ça. OK, fait que pas celle-là. Ouais, mais djihadiste, autrefois, on veut retourner comme djihadiste. Ouais, c'est bon. OK, ça a déjà été fait, j'imagine, c'est pas... Aucune idée, mais... Arrête de m'interrompre. Je parlais avec certains de tes auditeurs de temps en temps, puis ils me disaient, Mathieu Plante, là, pour faire des jeux de mots, là, il est imbattable. Je me réveille, là, il fait des jeux de mots, là. Ah, je me réveille, là. C'est fou. Parfait. Donc, pour objectif d'appliquer la charia dans l'ensemble du pays, donc du Nigeria. Là, encore une fois, une définition de charia, c'est comme des règlements puis des lois. La charia, c'est comme la loi islamique. Donc, ouais. Au lieu d'être soumis aux lois, aux règles d'un État, donc d'un pays, on va être soumis aux règles du Coran. Donc, la loi coranique, la loi de Allah. Ouais. Donc, on ne doit pas être jugé. C'est comme... On ne doit pas être jugé par des juges, mais jugé par des prêtres ou des imams, ce sont, selon la religion. Ouais. C'est comme dans le temps, c'était Guy Mongrain qui jugeait le grand quiz de Chariavari. Là, c'est ça. Un autre bon jeu de mots. Alors, Boko Haram, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En résumé, en français, ça veut dire « l'éducation occidentale est un péché ». Donc, tout ce qui est dans l'Ouest, l'Amérique du Nord, entre autres, je te dirais. Ouais. Donc, c'est pas correct, ça. Non, c'est tout ce qui est européen, américain, c'est mal. Mm. C'est péché. The devil. Donc, on va revenir aux origines. Donc, et le logo de Boko Haram est quand même sympathique. Il y a un Coran qui est ouvert. Il y a un drapeau noir avec des inscriptions arabes. Et il y a deux AK-47. Ben oui, c'est... Ouais, c'est sympathique. OK, sympathique, c'était du sarcasme. Oui, oui, oui. Oui, oui. OK, cool. ça me met en sécurité, en sûreté. Et on calcule qu'il y a entre 6 000 et 30 000 personnes qui combattent pour Boko Haram. Donc, yep. C'est une organisation quand même qui... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Et pourquoi 6 000 et 30 000? Pourquoi des estimations aussi vagues que ça? C'est parce que... Ben, c'est pas... Le métier de djihadiste, c'est pas quelque chose de super sécuritaire. Ouais. Tu peux mourir plus qu'en étant commis d'épicerie. C'est vrai, ça. Ouais. Donc, on reconnaît surtout deux chefs de Boko Haram. Donc, Mohamed Youssouf, qui est le fondateur de Boko Haram, qui est celui qui a amené beaucoup l'idée derrière le mouvement, comme l'idée plus des croyances, de sectes religieuses. Cet homme-là, c'est un homme instruit qui a fait l'université en Arabie Saoudite, qui a étudié la théologie musulmane, si on peut dire, mais qui est mort en 2009 lors de certaines attaques. Il a été enlevé par la police et dans un vague, on l'a exécuté. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup souffert? Il y a beaucoup souffert. Youssouf, c'est ça son nom de famille? L'histoire c'est de son famille? Youssouf. Beaucoup souffert. Déplacé, juste. Puis maintenant, il est remplacé par Abou Bakar Cheikho, qui lui est beaucoup moins dans les croyances, dans la théologie, mais beaucoup plus dans le djihad, la violence, faire des raids, on peut dire la guérilla, donc s'attaquer à des villages, ces choses-là. Donc, à la base, c'était juste une secte qui était violente, qui était criminelle, si on peut dire, qui prônait vraiment... dégager tout ce qui était occidental, tout ce qui était moderne de l'État nigérian et d'appliquer plutôt la charia. Donc, 2009, c'est surtout l'année où débutent réellement les affrontements armés. Avec la mort de Mohamed Youssouf et les remplaçants, les affrontements armés vont prendre une plus grande importance dans le mouvement. Et ce qui laisse encore perplexe ici, c'est que comme l'État islamique, donc l'État islamique, ça c'est plus... au Moyen-Orient, en Irak, au Liban, en Syrie. Encore ici, Boko Haram, ce sont des musulmans qui finalement s'attaquent à d'autres musulmans. Donc, dire ils sont plus purs et ils vont tuer les gens qui sont moins purs ou qui n'adhèrent pas à leurs idées aussi intégristes. C'est un peu, mettons, jamais assez. C'est jamais assez. C'est ça. Ouais. Soyons plus intenses encore. C'est ça. C'est comme si des amateurs de dubstep tueraient d'autres amateurs de dubstep qui dubstep pas vraiment assez. OK. Ouais, c'est bon. La référence. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur Boko Haram, sur tout ce qui englobe ça? Premièrement, il y a les croyances. Donc, là, on va beaucoup faire de définitions. Donc, ce sont des salafistes. Donc, le salafisme, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui sale trop ses repas, je pense. Voilà. Oui, quelqu'un qui sale trop et qui devient un peu trop intense, c'est ça. Donc, c'est l'islam fondamentaliste, c'est de vouloir revenir à l'islam des origines. Donc, l'islam des origines, selon leur vision, là, faut le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que l'islam, c'est une religion d'amour, oui. Mais eux, ils voient pas du tout l'islam comme une religion d'amour, mais plutôt comme une religion qui doit conquérir les non-croyants, qui doit conquérir... ceux qui ne veulent pas être conquis. C'est ça, c'est ça. conquérir. Ouais, hein, c'est ça que tu pensais que j'allais dire. Puis que, non. Que, okay. Et si on rajoute du djihadisme au salafisme, ça fait du pudding à l'arsenic. Donc, il faut, ça donne une espèce de stratégie révolutionnaire violente qui vise à renverser les États des pays musulmans pour instaurer un État islamique par la force. Ouais, mais il y a un antidote au pudding à l'arsenic. Ils l'ont pas encore trouvé. OK, mais ils ont chargé Panoramix. Si je donne l'exemple du printemps... Si je donne l'exemple du printemps arabe, je sais pas si vous vous souvenez ça, c'était en 2011, si je me rappelle bien, c'était pas le printemps érable, mais le printemps arabe. L'original, ouais, le saveur original. Oui, c'est ça, le classique. Là. C'est ça. Bon vieux. Ouais. Donc, ce sont des pays, par exemple, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie aussi, il me semble, la Libye. Bref, ce sont tous des pays où la population s'est soulevée pour tasser le dictateur du pays. Ça a très bien réussi dans la plupart des pays arabes, surtout du Maghreb. Et ils voulaient remplacer ça par un mouvement qui était plus démocratique. Donc, ça, c'est le dictateur pour quelque chose de plus démocratique, plus ouvert sur la population. Il y a eu un échec dans ce printemps arabe-là, dans bien des cas, parce que ça a plutôt aidé à l'instauration d'un gouvernement islamiste, donc un gouvernement religieux. Puisque, bon, les religieux ont les armes, puis ceux qui veulent la démocratie, normalement, sont beaucoup plus dans leurs valeurs, mais sont moins, ils ont moins de puissance, on peut dire. Donc, ils ont beaucoup de volonté, moins de puissance. Donc, on a remplacé les dictateurs par des groupes religieux. Et c'est un petit peu, si on peut dire, la pensée djihadiste de Boko Haram. On va tout remplacer les gouvernements corrompus par des gouvernements purs islam. Donc, Boko Haram, c'est le refus de la modernité. Ça va même se rendre jusqu'à le refus de participer à l'industrie agroalimentaire. Donc, tout produit transformé, là. Il donnait des exemples, justement, de Coca-Cola, d'autres exemples de certains berlingots de lait comme modifiés, comme qui pourraient être apparentés à des marques américaines carton, là. Ou européennes. Oh, oui. Mm-hmm. Donc, tout plein de choses transformées, il faut vraiment aller à l'origine, là, quelque chose de plus agraire. De plus, ils accusent le gouvernement nigérian, parce que là, j'ai su qu'il faut dire, pour le Nigeria, il faut dire Nigérian, Nigériane, et pour le Niger, il faut dire Nigérien, Nigérienne. Ah, c'est bien, ça a toujours été bien, là. Oui. Ça, puis les deux Congo, puis... le gouvernement nigérian, on l'accuse d'être corrompu et d'être influencé par les valeurs occidentales. Donc, c'est pour ça aussi que Boko Haram veut renverser le gouvernement, renverser l'ordre établi, parce que c'est l'Occident qui règne. Donc voici ce qu'il faut savoir sur leur croyance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Nigeria? Donc c'est un pays de 177 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique et le 7e au monde. Quand même. Je pensais pas que 177 ça donnait le 7e au monde, mais ça a l'air qu'ils sont à 1,5 milliard, 1 milliard, 300 millions, puis en plus ça descend plus rapidement. L'espérance de vie au Nigeria est de 52 ans. Okay. Ce qui est plus qu'en Éthiopie ou Somalie, mais quand même, c'est très peu. Ici, l'espérance de vie est à environ 78 ans. Ah. Donc, petite différence. 50% de la population est musulmane. Mm-hmm. On dit que c'est comme la moitié nord du pays. La moitié sud est chrétienne, donc dans le pays, il y a 40% de chrétiens et finalement 10% d'animistes, donc qui ne croient pas vraiment à un dieu. En fait. Ok, je pensais que ça avait rapport avec le sang. Je manquais de fer. Non, 10% des Nigériens sont anémiques. Non, c'est pas animistes. Animiste, j'ai jamais entendu. Animiste, j'ai entendu humaniste. De croire en les différents esprits, comme un peu les Amérindiens étaient animistes. Ah, ok, oui, avec comme, les animaux. Moi, je parle dans le micro, comme l'esprit du micro me parle. Le café, je me suis préparé un café. L'esprit du café va réussir à me réveiller. Comme, donc, c'est un peu être en over-fusion avec son environnement. Oui, c'est ça. Mm. Eh ben. Les druides, là, ils étaient tout ça aussi. Ben, ça reste moins fucké que le reste. Mm-hmm. Mm. Ouais, c'est ben ça, ouais. Bon. C'est un pays qui est indépendant, le Nigeria, depuis 1960. Avant ça, c'était une colonie de la Grande-Bretagne. Ah oui, ça fit-tu pas avec la Grande-Bretagne? Oui, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui sont francophones, tout à côté du Nigeria, mais ça, c'est un pays anglophone. Exact. Et c'est une démocratie qu'on dit plutôt instable. Plutôt instable. C'est un compliment. Qui est souvent justement renversé par des coups d'État militaires. Et là, on est en train de voir Boko Haram, qui est quand même... Ben, on peut dire que c'est marginal encore, Boko Haram, parce que c'est concentré dans une région du pays. C'est pas dans l'entièreté du pays encore. Là, surtout que seulement 50% du pays est musulman. Donc, dans l'autre moitié du pays, ils ont moins d'influence. Mais ça reste, par leur violence, quelque chose, un mouvement qui est très, très considérable. T'as la moitié qui est Boko Haram, puis t'as la moitié qui est beaucoup à pagaille. Boko Haram, puis à Haram, puis à pagaille. Haram. Ah, là là, OK, j'avais pas tout compris le jeu de mots. Non. J'avais pas tout compris. Mais c'est plutôt dans l'état de Borno, donc c'est comme le Nigeria, comme au Canada, c'est différent en état ou en province, mm-hmm. peu importe. Dans l'état de Borno, dans le nord-est, c'est surtout là qu'est concentré Boko Haram. Donc on dit que les trois quarts de la population dans cette région-là vivent sous le seuil de la pauvreté. Là, il faut s'entendre, le seuil de la pauvreté au Nigeria, au Québec, c'est pas le même. Là. Eux, c'est pas 20 000 $ ou moins, là. C'est plutôt peut-être un 2 $ ou moins. Ouais. Par année? Non, peut-être par mois, par jour. Non. Ouais, je m'en rappelle pas exactement. Ouais. Là. Mais quelque chose de très j'ai d'autres statistiques qui s'en viennent, inquiète-toi pas. Donc, c'est un record dans le pays au niveau de la pauvreté, cette région-là. Donc, seuls 2% des enfants de moins de 15 mois, ils sont vaccinés. Mm. Donc, ici au Québec, on est peut-être dans les 90%. Okay. L'accès à l'éducation se révèle également très limité. 83% des jeunes sont illettrés. 48,5% des enfants en âge d'être scolarisés ne le sont pas. C'est beaucoup. Et 34,8% des musulmans de 4 à 16 ans n'ont jamais fréquenté une école. Donc, eux, ils n'y vont juste pas. Et pas même une école coranique. Donc, ils ne sont pas allés à l'école dite occidentale. Ils ne sont même pas allés à une école, si on peut dire, seulement pour apprendre leur propre religion. Mm-hmm. Donc, on peut leur dire n'importe quoi. C'est ça le danger. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation ou qui n'en ont aucune, ben on les rentre facilement dans une secte, dans quelque chose qui est très, très militaire, quelque chose de dangereux, on peut le dire. Et ben pour eux, ils croient que c'est ça la religion musulmane, finalement, c'est faire le djihad, faire tout le temps la guerre. Et être enfant soldat, c'est peut-être la norme dans ces régions-là. C'est le passage obligatoire. Ils savent pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ils savent peut-être même pas que leur pays s'appelle le Nigeria. Donc, des fois, ouais. On est rendu à des mouvements comme ça. T'sais, ce qui est fait, par contre, c'est que les Olympiades, à la place, c'est les Olympes djihad. Les Olympes djihad? Faudrait pas instaurer ça, ça ferait des ravages. Ooh. Et dans le monde diplomatique, cette revue-là réputée, on dit qu'il y a autant de facteurs qui rendent la population particulièrement vulnérable aux influences négatives, dont la violence. Donc, le fait de manquer d'éducation, d'être aussi pauvre, c'est sûr que ça mène à ces influences-là, ouais. À la violence. Donc, la charia dont je parlais, la loi islamique, est présente dans l'État de Borno depuis 2001. Et Boko Haram, eux, veulent étendre la charia à l'ensemble du pays. C'est ça leur objectif. Et ensuite, le monde! Et ensuite, le monde, pourquoi pas? Ben, c'est sûr. C'est pour dire que Boko Haram n'a pas cette vision-là de djihad mondial, okay. De rendre la charia à la grandeur du monde. Ça, c'est plus la pensée peut-être d'Al-Qaïda. OK. De dire qu'il faut faire le djihad partout. Donc, Al-Qaïda, c'est eux qui avaient fait les attentats 11 septembre 2001. Donc, dire que pas seulement faire le djihad, donc le djihad, c'est comme la guerre sainte, si on peut dire, dans les pays musulmans, donc renverser l'ordre établi dans les pays musulmans pour rendre vraiment la charia, mais c'est de s'attaquer à partout à travers le monde pour, créer un certain climat de peur, un peu déstabiliser les forces en présence en Occident. L'État islamique, eux aussi, sont plus régionales. Mais régionales, quand même très, très grand. Là, ils visent tout le Moyen-Orient. Là. Mais Boko Haram, c'est surtout local. Eux, ils visent surtout le Nigeria d'abord. Et ensuite, on verra, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant savoir sur les différentes guerres, sur les différents affrontements que Boko Haram a rencontrés? Donc, depuis 2010... depuis 2010, on compte 10 000 morts à cause de Boko Haram et 650 000 exilés. Donc, 650 000 personnes qui ont quitté leur village, qui ont quitté l'endroit où ils vivaient pour s'enfuir, pour se déplacer. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Quand même beaucoup, oui. Les violences se concentrent surtout sur la région frontalière avec le Cameroun. Donc, dans le nord-est du Nigeria. C'est sûr, j'ai pas de carte et les auditeurs n'ont pas de carte non plus. Ouais, sortez tout votre agenda du secondaire, dernière page, la carte du monde. Donc, à la frontière du Nigeria, il y a le Cameroun et tout près, il y a aussi le Tchad, mais genre juste de l'autre côté d'une fine bande de pays qui est le Cameroun. Donc, c'est surtout dans ces régions-là que sont perpétrées les violences. Donc, ils veulent contrôler la région avant de contrôler le pays. Donc, en 2009, l'affrontement entourant la mort du premier chef avait créé à lui seul 700 morts. Ce type d'affrontement, faisant des centaines de morts, se multiplie. Je ne ferai pas la liste de tous les affrontements, là. Ça se compte souvent par centaines de personnes, sinon par milliers en quelques jours. Mais c'est souvent des femmes, des enfants, des personnes âgées qui sont tuées parce qu'ils réussissent tout simplement pas à s'enfuir. Donc les hommes, soit qui se sont battus pour l'armée nigériane, ou soit qui ont réussi à s'enfuir plus rapidement que les autres. Parce que oui, Boko Haram ne sont pas du genre à négocier, à faire de la diplomatie, mais à débarquer dans une ville, à tuer tous les gens possibles s'ils ne veulent pas embarquer dans leur mouvement. Et ensuite, ben, à brûler le village et à appliquer, si on peut dire, la politique de la terre brûlée. Donc, brûler le village conquis et les différents champs, les différentes récoltes, en se disant que s'il reste encore de la vie ici, ils vont avoir la difficulté à revenir, si on peut dire, en force, puisqu'ils n'ont même plus de quoi se nourrir. Donc, le 3 janvier 2015, donc tout récemment, Boko Haram a même réussi à capturer des bases militaires. Donc, il en avait réussi dans les dernières années et d'autres encore le 3 janvier 2015. Donc, on peut mesurer la force de ce mouvement-là quand ils sont capables de même battre des armées d'État. Donc, ils ont beaucoup de moyens. Et en plus du Nigeria qui essaie de combattre Boko Haram, il y a maintenant justement les armées du Cameroun, comme je disais, les armées du Tchad aussi qui font guerre à Boko Haram. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce mouvement-là en 2015? On ne voit pas nécessairement de grande progression de ce mouvement-là au niveau régional. Ils ont de la misère à s'expandre. Ils sont très bien consolidés dans l'État du Borno, si je me souviens bien. L'État de Borno sont très bien consolidés. Leurs forces sont présentes, mais ils ont de la misère à s'expandre, surtout vers le sud. Comme je disais, c'est seulement le nord qui est fortement musulman, donc peut-être qu'ils vont rencontrer plus de sympathie dans ces états-là, dans cette partie du pays-là. Mais il y a beaucoup de misère à convaincre les gens de se battre pour Boko Haram quand, en même temps, ils tuent toute la population qu'ils rencontrent, comme l'État islamique. C'est pour ça qu'ils sont déjà capables d'en convaincre. À moins d'être vraiment déjà convaincus, c'est dur d'être convaincu quand on réalise que tous tes voisins, tous tes amis, toute ta famille meurent à cause de tout le monde doit être au moins affecté un peu par ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est difficile à savoir comment on s'enligne en 2015 pour ce problème-là, ce mouvement-là, qui est Boko Haram en Afrique, au Nigeria. Mais on va suivre ça avec attention, puisque c'est un mouvement qui prend quand même de l'ampleur, peut-être pas au niveau de son nombre, sa population, le nombre de personnes qui participent à ça, mais au niveau des violences. Donc, une escalade de violence. Rien de positif, mettons. Rien de positif. Pas grand-chose, en tout cas. Mais ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est peut-être que l'ONU, du moins l'Occident, porte un regard. Parce qu'on en parle de plus en plus, même si ça existe depuis 2002, des affrontements depuis 2009. C'est seulement depuis un an et demi qu'on entend vraiment parler dans les médias. Donc, on peut espérer que les médias en parlent plus. Ouais. Et que peut-être qu'il y a certaines actions Qui va oser faire quelque chose? Oui, c'est ça. Qui va oser? Est-ce que les États-Unis vont oser aller mettre les pieds au Nigeria? On sait qu'ils sont capables. Pour faire la politique américaine comme on est habitué d'en voir, c'est-à-dire débarquer, essayer d'instaurer une belle démocratie, se frotter les mains. Mission accomplie sur un gros porte-avions? Oui, c'est ça. Mission accomplie, finalement, laisser le pays en ruine sans qu'il y ait vraiment de relève. Là. Mais on peut quand même souhaiter que... Il y a une présence, au moins, je sais pas, de l'ONU, des casques bleus qui essaient d'assurer la paix, de protéger les populations qui sont à risque. C'est de démanteler ce réseau-là. Puis aussi, c'est peut-être de démanteler les réseaux qui alimentent Boko Haram. Parce que nécessairement, ces armes-là, ces armements-là, ces canons-là, ça n'arrive pas par magie. Il faut bien qu'il y ait des gens qui leur procurent ça. Donc, ça serait peut-être de démanteler tous les réseaux de... tous les réseaux qui les alimentent en... En armement. Ouais. Voilà. C'est ça le problème, surtout. Là. Des AK-47, c'est l'arme qui a été la plus produite au monde. On n'en produit plus. Officiellement, la première génération, c'est pas dire à l'original, on n'en produit plus, mais tellement qu'on en a produit en millions de quantités. En Russie, en ex-URSS, si on peut dire que maintenant, on a de la difficulté à s'en débarrasser. À s'en débarrasser, c'est ça. C'est l'arme la plus, ça peut dire, efficace ou du moins la plus facile à réparer, la plus facile à produire. Donc maintenant, qu'il y a l'URSS, donc en tout cas, la Russie actuelle n'existe plus, toutes ces armes-là un peu se sont promenées et sont très disponibles, même ici au Canada, si tu veux un AK-47. Tu vas pouvoir t'en procurer un assez facilement. Appelez la ligne... marchénoir.com. Non, je sais pas. Ou le fait le 819-376-5183 et vous en gagnez un! Oui! C'est le poste 47 sur la zone de Cafou aujourd'hui. Avant de conclure tout ça, j'aimerais ça, vous pouvez peut-être me préciser peut-être quelque chose. Je dois pas être la seule à pas avoir compris. Okay. Quand tu parles de l'été islamique, est-ce que c'est avant ou après l'été indien? L'État islamique, je ne me rappelle plus des origines exactement, depuis combien de temps ça existe. Est-ce que c'est avant ou après l'été des Indiens? Ah, ok, je pense que tu parlais de... Ça, je monte printemps, ouais, je pense printemps. Que c'est ça. Je pense que c'est comme quand il fait fret, là, le monde se met à capoter et il se tape sa tête. Ah, mais c'est comme au mois de janvier, là. On est dedans. Là. Ouais, c'est ça. C'est qu'en bas de l'équateur, tu sais, les saisons sont comme inversées, là. C'est vrai qu'ils sont fuckés. Les toilettes, on est à l'envers. Non, c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Mais non, c'est pas un mythe. C'est un mythe, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Mais non, ça tourne pas dans le même sens. Sais-tu quand même que les gens en Nouvelle-Zélande, là, au lieu de dire je m'en vais dans mon chalet dans le nord, ils doivent dire je m'en vais dans mon chalet dans le sud. Hey, c'est tout intéressant. retenez pas tout ce qu'on vient de dire, mettons. Retenez pas ça. Retenez jusqu'à la fin de la chronique. Mettons. Jusqu'à 8h04. C'est ça, environ, c'est bon. Laurent Constantin, c'est un sujet lourd que tu as encore une fois réussi à nous expliquer peut-être pour les nuls, parce que c'est clair. Ouais, j'essaie le plus possible de vulgariser. D'expliquer, là, de définir. Il faut définir, parce que même moi, là, même si c'est tous des sujets qui m'y intéressent, il faut qu'on continue toujours à découvrir, à pousser le sujet. Non, Boko Haram, c'est pas un monsieur, c'est pas un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui s'habille avec des peaux de léopard. Mm. C'est un mouvement qui est dangereux. Faites attention à eux. Tu fais ça parfaitement. Faut que moi et Mathieu, faut que tu me prennes pour des cons et que tu descendes d'une coche. Encore là, en on va comprendre. C'est bon. Mais Mathieu, tu fais un excellent travail de détendre l'atmosphère. Merci. Jeux de mots désopilants. J'essaie. Je sais que des fois, ils sont inappropriés, mais je me dis que des fois, la lourdeur du sujet demande un peu de légèreté par moment. Merci, Laurent Constantin. Plaisir. Et à jeudi prochain à 7h30. Jeudi prochain, 7h30, bien sûr. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On est-tu bien de dire « on va se coucher plus intelligent » que dire « on va se coucher moins niaiseux ». Alors, on y va-tu avec nos « pourquoi du comment ». Oui, on commence ici. Pourquoi vend-on certains produits en format de 6 ou de 12, t'sais, par sizaine ou par douzaine? Dans les grandes surfaces ou les marchés ou à la ferme, les œufs sont généralement vendus par boîte de 6 ou de 12. On pourrait parler de la bière, justement. Hein? Pourquoi on vend ça par 6 et 12? Pourquoi pas 5 et 10 ou... Hein? Eh bien, il s'agit d'une habitude de consommation qui remonte au Moyen-Âge. À cette époque, les commerçants utilisaient en effet les douzaines comme base pour compter, plutôt que les dizaines, un choix qui fait référence au nombre de phalanges que l'on peut compter avec le pouce sur les quatre autres doigts de la même main. Un peu compliqué, hein? Juste l'explication. Cette technique s'est développée car elle montrait très pratiquement pour compter lorsque l'autre main était déjà occupée. Autre avantage, le nombre 12 est facilement divisible par 2, par 3, 4 ou même par 6. Donc, on peut partager justement notre pack de bière ou notre douzaine d'œufs. Au fil des siècles, les commerçants ont progressivement abandonné cette méthode de comptage, mais ont conservé le conditionnement, si bien que l'on retrouve aujourd'hui pour de nombreux produits alimentaires comme les huîtres, les escargots, la bière, les packs d'eau, le lait ou autres... Bien intéressant tout ça. Pourquoi les voitures berlines sont-elles appelées ainsi? Donc, pourquoi les berlines sont des berlines? Eh bien, conçues pour la route, ces voitures de type berline sont réputées confortables et sûres. Ce terme fait référence, bien sûr, à la ville de Berlin, où ce véhicule est né au 17e siècle, soit avant l'invention de l'automobile. À l'origine, il s'agissait d'un véhicule à cheval inventé par Philippe de Chiese, architecte et officier d'état-major responsable dans les transports pour le compte du duc prussien Frédéric Guillaume de Brandebourg. C'est pour ce dernier qu'il avait imaginé un carrosse suspendu, c'est-à-dire dont les roues n'étaient pas directement fixées sur les essieux. Vers 1660, l'ensemble à quatre places était montré agréable lors des longs trajets. Très fier de son véhicule, le duc en avait offert un modèle au roi Louis XIV, une véritable nouveauté pour la cour de Versailles, qui l'avait appelé berline en hommage à ses origines berlinoises. Le terme a ensuite perduré au 20e siècle dans le langage automobile pour désigner une voiture dotée des mêmes caractéristiques. Ben là, dans ce cas-là, par contre, toutes les voitures seraient des berlines parce que on a tous des voitures avec des roues qui sont montées pas directement sur l'essieu. On a une suspension. Alors, je trouve que c'est un petit peu bizarre, là, la finale de cette explication. On s'en va ici tout de suite avec un autre pourquoi du comment. Eh bien, pourquoi un grand désordre est-il appelé un Capharnaüm? Eh bien, qu'est-ce que ce Capharnaüm? Nombreux les parents à s'être énervés dans la pagaille de la chambre de leurs enfants. À qui le dites-vous? Ce terme est employé pour désigner un bazar monstre et il est tiré, bien sûr, de la ville de Capharnaüm, située au bord du lac Tibériade, dans le nord-est de l'Israël. En hébreu, Capharnaüm signifie « village de la compassion ». Peuplée de marchands majoritairement juifs, elle a abrité Jésus dans la maison de Saint-Pierre lorsqu'il a quitté Nazareth. Il a choisi ses premiers disciples. Au fil du temps, Jésus a prêché la bonne parole dans les synagogues et a réalisé des miracles. La nouvelle s'est rapidement répandue à travers la ville et il s'est retrouvé assailli par une foule de personnes malades et désireuses de se faire guérir. Les rues sont devenues bondées et pleines de désordre où il était désormais pratiquement impossible de circuler même à pied. De nos jours, les ruines de Capharnaüm sont beaucoup plus paisibles. Donc, c'est de là que ça vient, de la ville de Capharnaüm. Autre pourquoi du comment? Eh bien, pourquoi les pompiers sont-ils également appelés sapeurs-pompiers? Eh bien, cette expression provient du Moyen Âge. En effet, en l'absence de réseau de distribution d'eau, les ancêtres des pompiers modernes n'avaient d'autre choix que de saper les bâtiments voisins, c'est-à-dire les abattre par la base afin d'isoler l'incendie. Leurs fondations détruites à la hache, les bâtiments majoritairement en bois s'écroulaient sur ce qui empêchait que les flammes ne se propagent. Faute de combustible, le brasier s'éteignait alors de lui-même. Une technique encore utilisée après l'invention des premières lances à incendie alimentées par des pompes manuelles, d'où le terme « pompier ». Hein, c'était pour ça qu'on appelle les pompiers les pompiers. Au 17e siècle, les deux méthodes étaient alors employées. Le nom de sapeur-pompier est ensuite définitivement rentré dans le langage courant au cours du 19e siècle avec la création de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris par Napoléon Bonaparte. Et puis tiens, on boit une bière justement à la santé de Napoléon, on va s'en prendre une autre petite gorgée. Autre segment du pourquoi, du comment, je vous l'ai dit, j'en avais une belle trollée. J'en ai au moins deux autres ici. Pourquoi une nuit sans dormir est-elle appelée une nuit blanche? Eh bien, les insomniaques, les fêtards et les travailleurs nocturnes font parfois une nuit blanche. Étrangement, cette expression ne fait pas référence à des lumières restées allumées le soir, mais plutôt à un rite de passage des chevaliers au Moyen Âge. Elle renvoie en effet à la nuit précédant l'adoubement. C'est le sacre des jeunes prétendants âgés de 17 à 21 ans. La veille de la cérémonie, ces derniers devaient revêtir une tunique blanche symbolisant la clarté de l'esprit. Ils devaient ensuite passer la nuit sans dormir ni manger. Et se consacrer entièrement à la prière jusqu'au lendemain matin. Par extension, le peuple a plus tard repris le principe fondamental de la nuit blanche des chevaliers pour évoquer une longue insomnie. Wow! Et dernier, tiens, du segment du pourquoi, du comment. Eh bien, pourquoi appelle-t-on un lavabo un lavabo? Eh bien, le mot lavabo désigne une vasque, où l'on se lave. Elle était en réalité tirée d'une prière prononcée par le prêtre lors de la messe. Après avoir béni les offrandes, le pain, la viande, le vin, etc. Apporté par les fidèles, l'homme d'église se lavait les doigts dans une vasque et récitait une prière en latin reprenant un psaume de la Bible. Celle-ci commençait par « Lavabo inter innocentes manus mes et circuldabo altarel tum domine ». Je me lave les mains en signe d'innocence pour m'approcher de son autel, Seigneur. Avec le temps, ce rituel religieux a été nommé lavabo. Popularisé aussi aux yeux des fidèles, le mot est resté pour désigner, dès le début du 19e siècle, les premières cuvettes reliées à un système d'écoulement d'eau pour se laver. Sur cette ère des années folles, on fait notre habitude, hein, le jeudi à midi, on rejoint Alex Dorval du Temps d'une pinte. Salut Alex! Salut, ça va Danny? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu peux nous jaser aujourd'hui? Cette période de carnaval, là, c'est assez fou ici. Hein? Ah, c'est débile, ouais, vraiment, toute la semaine, ça a été... c'est fou justement. La fois, je viens vous parler de bière d'importation. Oui! Fait que... Tout simplement parce qu'on a lancé, lors de notre premier anniversaire, la semaine dernière, au Temps d'une pinte, on a lancé notre carte de bière de spécialité, le temps de se gâter. Okay. Puis sur cette carte-là, on retrouve entre autres des bières de spécialité du Québec, donc des bières qui ont subi un vieillissement en barrique ou qui sont des bières de style plutôt rare. Puis on a aussi commencé à intégrer une bière d'importation, puis là on a notre deuxième qui vient d'arriver. C'est ça que j'ai amené pour déguster aujourd'hui. Bouteille. Une belle bouteille allemande, donc de la brasserie Dr. Fritz Brim, qui reproduit ici une Berliner Weiss. Berliner Weiss, on en a un peu parlé quand on a parlé des bières sûres. Oui. C'est une bière donc à fermentation lactique, qui était une bière assez oubliée en Allemagne. On commence à avoir quelques brasseries qui la brassent de nouveau. Puis j'ai réussi à mettre la main sur une vingtaine de bouteilles qui vont être en vente dès ce soir au Temps d'une pinte. Donc des bouteilles de 500 ml avec les recettes traditionnelles de Berliner Weiss. Donc c'est un petit peu un prétexte aussi pour vous parler du milieu de l'importation au oui. Québec par rapport aux bières qu'on fait venir. On va voir, il y a du positif puis du moins positif dans le fait qu'on importe de la bière ici. Mais c'est fait qu'on en vend moins de les nôtres ici. Ben, il y a un petit peu de ça, puis ça fait un petit peu partie de la stratégie de marketing des grosses brasseries qui ont réagi. J'apprends ça dans ton livre en ce moment, là. Exactement. Que je t'ai ramené. C'était pas mal la façon de faire des grosses, hein, c'est de racheter des. Ils ont acheté des compagnies, de des marques, surtout des marques. Donc, si on pense à Heineken, c'est Heineken Brands ou Heineken International qui ont des. Qui ont plusieurs compagnies de bière, plusieurs marques de bière dans leur portefeuille. Puis leur stratégie aux grosses brasseries au tournant des années 2000, ils voyaient les phénomènes des microbrasseries prendre de plus en plus d'ampleur. Avant 2002, le Canada exportait plus de bière qu'il en importait. Donc on avait environ un export de 200 millions de dollars de bière qui sortait du pays. C'était surtout les grosses brasseries majoritairement qui exportaient. Ou encore, à ce moment-là, il y avait une Hibrou qui exportait beaucoup. Qui en faisait beaucoup. Un peu, oui. Puis, on avait moins de 200 millions d'imports de bière. Puis, à partir de 2003, on est monté jusqu'à venir aujourd'hui à 600 millions d'importations de bière. Donc, c'est quoi, ce 600 millions-là? Oui, c'est la petite Berliner Weiss, les 20 Berliner Weiss que j'ai fait venir, mais ça montrait pas en flèche de même si c'était pas de tout ce qui est Heineken, Stella Artois, Beck, etc. Ou Garden. Ou Garden et tous les imports de Havenbush. La Chouffe, puis tout ça. Exactement. Les imports de la SAC aussi. Mais souvent, les imports de la SAC sont des marques qui appartiennent à ces groupes, à ces consortiums-là que j'ai parlé. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent la SAC des lagers blondes avec des noms différents, mais qui goûtent toutes la même chose. de la Fürstenberg ou des bières comme ça qui sont Des grands classiques mondiaux, genre. Exactement. Là, mais... on nous vend de l'exotisme, mais on nous vend de la différence. Ce qu'on a compris, c'est que le consommateur de bière, il cherche de la nouveauté présentement avec les microbrasseries. Donc, la stratégie des grosses brasseries, c'est ce qu'on appelle du cross-branding. Mm-hmm. Ils font du croisement de marques. Et pendant un été, ça va être Brahma. Après ça, Brahma, c'est plus une bonne bière. On va faire rentrer Corona. Mais Corona, c'est la même chose. C'est le même produit, mais c'est un habillage différent. Donc, on change la bouteille, on laisse le même jus à peu près. Exactement. ça sert à quoi de changer de blonde s'il y a le même caractère? Exact. T'sais. C'est pas pareil. Mais moi, j'ai une question comme ça. Moi, c'est la première fois que je connais quand même une coupe de bière. Première fois que je l'ai vue. Ça, tu l'as fait venir. Tu prends... contact avec eux ou tu vas avec la SAC? Comment tu fais pour importer une bière comme ça? Ben, dans le fond, il y a de plus en plus de petits importateurs privés. Ouais. Okay. Ici, ça, c'est 1516. C'est du monde qui se spécialise dans l'import allemand. Okay. Donc, on n'en voit pas beaucoup. On voit beaucoup des lagers allemands, des pilsners, mais on voit pas beaucoup des styles Hefeweizen. On en a eu une dernièrement. Ou de Berliner Weiss, comme ça, qui sont des styles rares même en Allemagne. Eux autres, ils se spécialisent là-dedans. C'est les gars de la salle à manger à Montréal qui ont un restaurant. Okay. Donc, eux autres, c'était juste pour leur restaurant puis pour des amis. On s'est connus indirectement. Puis, ils nous ont des produits de spécialité comme ça. Eux autres, c'est une petite affaire pour traiter la bière à la table, okay, comme ils traitent le vin. Hey, puis, autre petite question. Moi, je la découvre, là, je viens d'y goûter. C'est normal qu'il y ait un petit goût de belge dedans? Absolument. Okay. Il y a des petits goûts fruités qui sont dus au fait que cette bière-là a une fermentation ale, donc fermentation, je dirais plus une bière de fermentation spontanée parce qu'il y a de la fermentation lactique. Okay. Donc, ce qu'ils font, c'est que plutôt que de porter la bière à ébullition, ils vont pas la faire bouillir. Donc, c'est une bière non pasteurisée et ensuite non filtrée. Donc, plus de saveur. C'est une bière qu'on va faire fermenter pendant plusieurs jours avec un ajout de bactéries lactiques. Puis, mais pas chauffée. Pas chauffée. Même le houblonnage se fait plutôt que pendant l'ébullition, il se fait pendant l'empâtage. OK. Enfin, il y a seulement un empâtage. Il n'y a pas d'ébullition par la suite. Puis après ça, ça fermente. On retire la céréale, on garde le jus, puis on a de la bière. Donc, c'est une petite bière qu'on pourrait dire une bière crue. Si on veut, comme du fromage de lait cru, ici, on a une bière crue qui est la Berliner Weiss. Donc, en Allemagne, cette bière-là est souvent bue avec de l'aspergule, je le prononce mal, aspergule odorante, ou qui est une fleur, des sirops de fleurs, des sirops de menthe, sirop de framboise. Donc, pour eux autres, c'était plus une bière depuis longtemps. Okay. Parce que quand tu mets du jus pour eux autres, c'est plus une bière. Là, vraiment plus. Fait que, comme des sirops, finalement, un peu que tu rajoutais. Pour couper la petite acidité. Le petit côté acide, Puis au Québec, puis en Amérique, puis même en Allemagne, graduellement, on redécouvre ce style-là. Puis, parce que Moi, tu m'as fait découvrir ça là, ces semaines, les dernières semaines. Vraiment hallucinant, quand même. Mais le genre de bière, on dirait qu'on préfère à la maison quasiment. Non? Ben, c'est peut-être pas facile non plus parce pas que. Comme ça, je veux dire, aussi ça accroche, c'est sûr. Ouais. Là, mais je veux dire, vu qu'il n'y a pas de bouillard, tu sais, que tu fais bouillir rien, ça Je te dirais, c'est peut-être plus complexe parce que la fermentation lactique, il faut qu'elle soit contrôlée. Surveillée. Eux, ici, ce qu'ils expliquent sur la bouteille, c'est qu'elle est contrôlée. Ils mettent pas le. On a fait la même chose dernièrement avec notre bière brune des Flandres, la Haute-Brune. On n'a pas laissé les bactéries lactiques du grain contaminer la bière. On a plutôt coupé la bactérie lactique du grain puis on a rajouté par après avec en jetant du gaz dans la cuve pour être sûr que les bactéries lactiques ils se répandent pas. Donc, que ça part en peur. Là. Exactement. Il faut faire attention avec ça. Les bactéries lactiques, ça reste moins dangereux que tout ce qui est Brettanomyces qu'on parle aussi. Mais c'est quand même... à maison, je le conseillerais peut-être pas. Il y en a qui font aussi un ajout de yogourt nature dans le mash pour reproduire similaire, mais c'est pas la méthode traditionnelle. Okay. Cette bière-là a été comparée beaucoup à du champagne ou même petit champagne de soif, là, parce qu'on parle d'une bière à 5% d'alcool. Traditionnellement, c'était une bière qui titrait plus la Berliner Weiss, 3% d'alcool. 3,5. On l'a poussé un petit peu. Ouais, on a été un petit peu plus haut ici. Puis cette bière-là, l'histoire qui est intéressante, c'est que c'est la bière que les Français buvaient pendant la guerre prussienne. Okay. Puis c'est Napoléon et ses troupes qui l'ont caractérisée de vivifiante et élégante. C'était la bière des troupes de Napoléon, la Berliner Weiss à l'époque. Et, ouais, c'est ça, ils disent qu'il a célébré la victoire prussienne avec cette bière-là puis ses troupes. Tiens, on boit à Napoléon. À la santé de Napoléon. C'était les Huguenots qui buvaient ça dans leur chemin vers les Flandres, donc nos ancêtres. Excellent. Vraiment une découverte. Mais c'est ça, elle est pas trop, tu sais, des fois, il y a pas trop quand même surette, là. Elle passe super bien. Là. Puis il y a une petite touche fruitée qui te rappelait les bières belges. Ouais, moi, ça m'a vraiment rappelé l'eau au nez. Là, j'ai fait, aïe, ça goûte. Puis après, j'ai été une gorgée, ça goûtait la Belgique un peu. Là. Des petites. Pas des grosses, grosses bières, mais le petit goût belge. Là. Ça ressemble beaucoup aux bières belges qui ne seraient pas épicées trop. Là. Ouais, ça, c'est ça. Une petite bière belge, une petite blonde belge, c'est vrai que ça pourrait ressembler à ça. Avec du bleu aussi, c'est brassé avec du froment, donc du bleu non malté. À 50%. Fait que c'est ça qui donne un petit peu le côté suave en bouche de cette bière-là. C'est très bien. Le côté rafraîchissant. Si on parle un peu des microbrasseries au Québec qui font de l'exportation, qui ont commencé à faire ça, on en a plusieurs. On parlait tantôt de Unibrew. Oui. Il y a eu aussi, dernièrement, les champions de l'exportation, c'est Dieu du ciel. OK. Donc, la brasserie montréalaise et de Saint-Jérôme. Eux, ils exportent où, sûrement? Surtout? Ils exportent beaucoup aux États-Unis. OK. Donc, il y a un marché aux États-Unis pour ça. Les réglementations aux États-Unis sont beaucoup plus laxes pour que ce qui se passe au Québec. Là. Même si on pense au Canada, il y a des endroits où c'est plus facile de mettre ta bière en marché. Je dis facile, c'est pas facile, ils font du gros travail, et ils voyagent, ils vont voir, ils ont des agents d'exportation, ils ont des licences à obtenir, il y a toute une réglementation. Mais une fois que tu es là, il y a un marché tellement intéressant que tout ce travail-là vaut la peine. Si on pense à l'Alberta ou certains États, dont New York, où il n'y a pas beaucoup de microbrasseries, mais ils se boivent beaucoup de bières de microbrasseries. Il y a du monde. Il y a souvent des fautes sur le menu. Par exemple, là-bas, quand ils nomment les noms en français, il y avait une drôle anecdote. Dieu du ciel avait dû changer leur aphrodisiaque et leur stout à vanille. Un stout à vanille. Ouais. Ils ont dû changer l'aphrodisiaque pour l'aphrodite parce que ça ne marchait pas aphrodisiaque ni au Canada, dans d'autres provinces, ni aux États-Unis. Le mot trop compliqué? Ouais, je pense que l'adjectif, il s'appliquait pas dans notre langue, aphrodisiaque. C'était mieux d'avoir Aphrodite. Aphrodite, simplement. Exactement. On a le Trou du Diable ici en région, qui est toujours réservé, je pense, 5% de leur production à l'exportation. Depuis qu'ils ont la shop, avant ça. Ça fait longtemps qu'ils développent. Eux, ils participent à des concours un petit peu partout. Ils ciblaient certains endroits où certains marchés, puis après ça, ils allaient faire des voyages aussi. Je sais que Dieu du ciel, eux, c'est de 5 à 6 voyages par année que les propriétaires font pour aller... promouvoir leurs produits. Bien, soit promouvoir, mais au début, ce qu'ils disent, c'est que les voyages qu'ils font, c'est même pas au début des voyages d'affaires, c'est qu'ils vont, par exemple, ils vont en Italie ou à Londres, puis ils font... Faut en tourner de ce qui se passe. Faut en tourner, voir c'est quoi le marché, y a-tu... Qu'est-ce qui se boit, qu'est-ce que le monde aime. Le monde serait-tu intéressé à avoir Dieu du ciel là? Puis en même temps, c'est une façon de découvrir des nouvelles saveurs aussi pour leurs recettes ici. Fait que c'est super intéressant ce qui se passe à l'international. Vraiment. Fait que l'import... Ça doit être le fun, ça, aller faire de la prospection comme ça. Ouais. Tu t'en vas dans des pubs anglais, tu bois de la bière là-bas, tu jases avec les gars du pub. Il me semble que ça serait le fun, des petites collaborations. C'est comme assez intéressant. Moi, j'ai bien hâte. C'est ce que je m'en allais te poser comme question. Je te dirais j'ai envoyé un courriel le matin, je travaillais sa chronique, puis j'ai envoyé un courriel à mes partners. Je les ai dit, c'est quand qu'on parle. Ouais, c'est ça, exactement. Puis comme tu dis, pour découvrir ce qui se fait ailleurs, puis c'est quoi les goûts d'ailleurs, tu sais, qu'est-ce qui est la mode ailleurs, genre. Là. C'est une bonne idée. Puis autre question par rapport à ça, je me doute un peu des réponses parce que c'est pas nécessairement évident, mais est-ce que ça vous intéresse d'embouteiller à un moment donné? L'embouteillage, ce serait éventuellement quelque chose qui serait bien. Là, on regarde cette année pour peut-être aller faire de la sous-traitance, brasser certaines de nos recettes à l'extérieur dans des microbrasseries ou qu'on va pouvoir équipés pour ça. Qui ont le permis pour pouvoir sortir la bière avec faire un entrepôt ici en région. Oui. Fait qu'on aurait toujours du stock qu'on peut amener dans les festivals ou qu'on peut vendre en baril du moins. Donc la bouteille, je te dirais qu'on va attendre d'avoir un peu plus d'expérience. Pas nécessairement d'expérience au niveau du brassage, mais d'avoir participé à des concours, d'avoir une certaine renommée. Faire votre place un peu. Oui, c'est ça. Okay. Avant de se dire qu'on se lancerait dans quoi que ce soit. Sage par rapport décision, à ça. Je crois. On a beaucoup de travail aussi déjà sur la place dans l'établissement. Puis si on parle des plus grands importateurs depuis... c'est là qu'on va voir la stratégie des grosses brasseries. Tu dirais que ce serait quoi les pays dont on importe le plus de bière ici au Québec? Nous qu'on les importe? Oui, au Canada en général. Mais... c'est une bonne question. Mais aux États-Unis, il doit en avoir. Nous, d'importer quand même pas mal d'aide là. Non? Tu bois-tu des bières des États-Unis des fois? Ben, sinon, les Belges, on doit en importer pas mal. Ça en serait une, mais pourtant, elle n'est pas dans les principales. Okay. Elle est là, mais pas dans la principale. Sinon, peut-être même en Amérique du Sud, le Brésil, des affaires de même. C'est ça, il y a le Mexique. Ouais. C'est, étrangement, je suis surpris parce qu'ils ont... Quelle bière on boit du Mexique? Ben, c'est les Corona. Bavaria, Corona, exact, ces crottes-là. Les bouteilles chromées. Crottes-là. Ça risque d'être la prochaine saveur l'été prochain. Avec une fille vraiment chic, ce qui va l'annoncer, ça c'est sûr. Puis le pays dont on importe le plus de bière ici, c'est les Pays-Bas. Ah, donc, avec la Hoe Garden, c'est ça? C'est sûrement, Hoe Garden c'est belge, mais c'est sûrement, moi si j'y pense vite comme ça, je me dis Heineken c'était l'Artois. Ouais. Et puis les bières de la SAC, il y en a quelques-unes du Danemark là aussi, des lagers... Mais sinon, comme la Guinness, es-tu tournée ici ou es-tu brassée ici? C'est une bonne question, je pense. En Irlande? Non, je pense que t'es encore brassée en Irlande, la Guinness. Ils ont d'autres brasseries dans le monde que juste celle-là, mais je pense pas qu'ils en ont au Canada. Okay. Je sais qu'à Heineken, je pensais qu'il brassait ici, mais il semblerait qu'il y a encore de l'importation. À certains niveaux, si ça doit y prendre un bon volume de vente parce que les lois, ce qui est un peu contradictoire, c'est que les lois pour vendre au Canada, au Québec, ils se font tellement taxer que pour leur mise en vente, il faut qu'ils s'assurent d'un méchant volume. Il faut que ça marche. Mais eux autres, ils remplissent les tablettes avec plusieurs marques. Ça finit par marcher, mais ce qui est contradictoire, c'est que les lois sont super complexes pour importer. Très peu complexe pour fabriquer de la bière ici puis l'exporter, mais depuis 2002, on importe trois fois plus de bière qu'on en exporte. Puis pourtant, on en fait de plus en plus. Ben oui, on en fait de plus en plus. Ben, c'est pour ça que les microbrasseries s'y mettent un peu dans l'exportation, parce que en plus, avec la qualité qu'on a puis la réputation qu'on a, faut qu'on arrête de boire le jus d'ailleurs. Ben, si on est capable d'avoir certains jus comme celui-là ici ce matin, ça va. Ouais. Mais... je te dirais que tout ce qui est les marques que tu nommais, Corona, Crottla, etc. Mais Bavaria, puis autres trucs insipides. Absolument. Ça, c'est des marques... tu sais, on fait venir du Mexique la recette qu'on fait ici. La même, mais avec un habillage différent. Hein. Ça, c'est assez inutile. Ouais, absolument. Mais comme tu dis, les gens veulent se faire vendre une étiquette. Puis c'est vrai qu'à chaque été... Il y a une bière qui sort que tu ne revois plus jamais. Presque depuis plusieurs années, il y a tout le temps une bière. OK, ça, c'est la nouveauté, la nouvelle bébelle. On a ajouté du citron, on a ajouté je sais pas quoi. Il y en a toujours une qui reste. Après un bout, ça, ils essaient d'avoir des hits. Puis ça marche, ils la gardent plusieurs années. Puis sinon, ils se débarrassent de ça. Les dernières, c'était quoi? C'est Bud Light Lim, genre? Non, mais c'était des modes au début. Mais ça a resté quand même. On l'a vu une couple d'années qui dure. Mais bon, ça goûte le citron. C'est bon, le citron? Non, mais tu sais, dans le sens que ça goûte le citron. Le monde en met une dedans. Exact. Il y a aussi Charlevoix qui fait de l'exportation au Québec. Ouais. Il y a, je crois, les Trois Mousquetaires. Sûrement, oui. Et l'Alchimiste, je crois, qui sont là-dedans. Il y en a peut-être d'autres là, que je passe à côté. Il y en a qui, des fois, ils développent ce marché-là puis, parce qu'ils ont un endroit précis en tête. RJ et tout ça, ça exporte-tu, ça? Peut-être. Peut-être pour certains produits. Ils mais ont quand même un volume. C'est pas mal certain, là, à vrai dire. Je pense qu'on peut s'avancer à dire qu'ils doivent faire de l'export, mais je ne sais pas si c'est vraiment, si on ouvre un gros marché, parce que là où il y a un intérêt par rapport, par exemple, au marché américain, c'est pour les produits de niche. Spécifiques, là, ouais. Vraiment différents, là, très goûteux, très différents, très Argy, ils ont des très bons produits, comme la coupe grisou ou certaines bières comme ça, mais je sais, à vrai dire, je suis pas sûr que ça devait faire partie de leur stratégie depuis longtemps. Ils doivent avoir de l'export. Puis sinon, pour terminer, je voulais vous parler un petit peu de notre programmation Talon Point qui avec s'en vient. Avec plaisir. Avant, ça a-tu bien été les activités de la semaine passée? Oui, oui. Tout le premier anniversaire, le monde a capoté. Puis on a eu une belle réponse. C'était plein du jeudi au dimanche. On a fait des dégustations le dimanche convivial. Le dimanche, on a fait un brunch. Oui. C'était vraiment hâte. On pense refaire cette formule-là pour certains événements assez récemment. On a eu le jeudi toute notre bar de glace qui est ouvert officiellement. Donc, il est ouvert encore ce soir pour ceux qui n'ont pas goûté la bière au bar. C'est ce que je m'en allais dire. En fin de semaine, mettons, est-ce qu'on peut... ça, c'est dehors, là, le bar de glace, bien sûr. Oui. Si on arrive avec des enfants, genre... Oui, c'est possible. La bière de bar, ouais, la bière au bar, on la sert sans alcool. C'est pour ça que je me disais ça. Ça, vous allez faire genre pendant pas mal tout l'hiver? Oui, jeudi au samedi de 5 à 7 heures. OK, génial. Puis la fin de semaine, des fois, ça peut-tu être... c'est encore en 5 à 7? Oui, c'est tout en 5 à 7. Tout. OK. Sinon, vendredi, on a eu aussi des serveurs en échasse, les productions Yahoo qui sont débarquées puis qui ont servi des shooters en échasse. c'était vraiment... c'était trippant. C'est cool, ça. Puis sinon, à venir, on a toujours le 15 février, dans le cadre de la Saint-Valentin, on a un show intimiste avec... de Jim Alinowski, qui est l'ancien chanteur de Bedouin Soundclash et de Armistice avec Cœur de Pirate. Il y a un nouveau projet fort. L'ancien chum de Cœur de Pirate. Oui, oui, ils, oui. Ils ont sorti ensemble un bout. Pas longtemps. Une coupe de mois. Le temps d'un album. Le temps de vendre. Le temps qu'ils en trouvent une autre, chacun de deux bars. Puis, bref, ça va être un show carré. Allez écouter Jim Alinowski and the Dead Coast. Hein. Au pire, on en fera jouer éventuellement. On pourra en faire jouer, c'est sûr. Ouais, d'ici là, c'est sûr qu'on va en faire jouer à la fin de ta chronique. Là, j'avais rien de préparé. Il va y avoir une pub qui va rouler genre, à partir d'après-midi aussi. Là. OK, parfait. Good. Donc, on va vous en parler. Ça, sinon, dernier événement, le 1er février, dans le cadre du Super Bowl, on fait un tailgate. Donc, on fait un barbecue sur la terrasse. On va avoir 2-3 barbecues sur la terrasse à partir de 1h le dimanche après-midi. Puis à 18h, on projette le match sur écran géant H2 au deuxième. Ça, c'est genre pas dimanche chez l'autre. Oui, c'est ça, je pense. 1er février. Exactement. Donc, on va être là. Donc, soyez présents pour notre tailgate du Super Bowl. Puis, y a-t-il un menu particulier? On va faire plein de grillades. Laurent est en train de passer à ça. On va faire des grillades du gros gras sur le barbecue. Excellent. Tout ce qu'il faut. De l'alcool et du bonheur. Ouais, santé, Denis. Hey, merci à toi. Content de boire ça. On rappelle, qu'est-ce qu'on boit? La Berlanovaise 1809 de Dr. Fritz Brehm. Et puis, il y en a quelques-unes qui vont être disponibles. Ouais, là, il en reste 19 après celle-là, partir de ce soir. Puis, on perce un casque de double IPA de Simple Malt ce soir. Excellent. Merci beaucoup, Alex. Ça fait. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.